السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا مع كتاب صحيح الجامع الشيخ الألباني على رحمة الله. On va inshallah ta'ala commencer par une petite révision. Ensuite inshallah يعني on ira au nouveau. On avait dit la fois passée, j'ai choisi comme ça quelques hadiths, du moins les derniers. J'avais dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu quelqu'un avec les cheveux ébouriffés, c'est-à-dire avec les cheveux qui n'étaient pas peignés. Yani, il a dit, celui-là ne trouve-t-il pas yani de quoi yani se peigner, celui-là ne trouve-t-il pas de quoi se peigner. En arabe, il a dit Ama kana yajidu hadha ma yusakkinu bihi ra'sah. En arabe, ça donne à peu près un petit pas trouvé yani de quoi faire descendre ses cheveux qui montent comme ça vers le ciel, mais une kinaya, ça veut dire bien sûr se peigner. Ensuite, il a vu quelqu'un aussi avec des vêtements sales. Il a dit Ama kana yajidu hadha ma yaghsilu bihi thiyabah. Ama kana yajidu hadha ma yaghsilu bihi thiyabah. Celui-là n'a-t-il pas trouvé yani, de quoi laver ses vêtements. C'est pour ça que j'ai dit en islam, il n'y a pas yani, prendre la saleté comme adoration. Il dit, je vais me laisser sale, comme ça, yani, je vais être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, ou là parce que l'islam dit cela. Quiconque dit que c'est l'islam qui dit cela, il a menti sur l'islam. Il a menti sur l'islam, et bien sûr, il a menti sur Allah subhanahu wa ta'ala, ou l'ayyadu billah. Naam, ou l'ayyadu billah. En islam, qu'est-ce qu'il y a? En islam, il y a la modestie. Naam. Sah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la modestie. Personne ne t'oblige d'acheter les plus beaux vêtements, ni les plus riches vêtements. Personne ne t'a obligé. Si tu veux être modeste, Allah subhanahu wa ta'ala aime la modestie. Quiconque reste modeste, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, le lève, yani, le fait monter dans les rangs. Plus on est modeste, plus subhanahu wa ta'ala nous fait monter, yani, nous fait grader. Il nous donne des grades, il nous fait monter. Plus on est modeste. Mais quand je dis modeste, ça ne veut pas dire sale. Il n'y a aucun lien entre être modeste et être sale. Ça, il faut bien le comprendre. Et les sectes qui croient qu'avec la saleté, on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala, hein, se trompent beaucoup. Ceux qui se laissent habiller yani, avec des choses sales, des lambeaux, etc., c'est juste pour attirer les regards des autres et pour faire éponger le cœur des autres vers eux, ou l'ayyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, et moi, je révise seulement, les trois personnes qui sont venues demander à Aïcha radiallahu ta'ala anha quelle était l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand elle leur a montré, ils ont dit, oh, où est-ce qu'on en est, nous? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a tout pardonné, mais yani, son adoration yani, est un peu faible, hein, c'est pas beaucoup. Car l'un d'eux avait dit, moi je dors, je ne dors jamais la nuit. Je fais toute la nuit la prière. Et l'un d'eux avait dit, moi je ne mange jamais la journée. Je jeûne tous les jours. Le troisième avait dit, moi je ne me marie jamais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu cela, bien sûr, il était beaucoup énervé. Et il a dit, yani, ma balu aqwam, dit ceci, cela. Et à la fin, il a dit, Wallah, ama Wallah, inni la akhshakum lillah. Wallah, Yani, j'ai peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, je le crains plus que vous. Si vous croyez que vous le craignez plus que moi, vous vous trompez. Allah, je le crains plus que vous. Mais en même temps, alhamdoulillah, je jeûne et je mange, je fais la prière et je dors et je me marie avec les femmes. Et quiconque ne veut pas suivre ma sunna, il n'est pas de moi. Et j'avais dit, qu'est-ce que ça veut dire, laïsa minni? J'avais dit, le qaïda, qu'est-ce que ça veut dire, laïsa minni? J'avais montré que les kharijites disent, laïsa minni, ça veut dire c'est un kafir. Et les mourjites, les contraires des kharijites, disent, laïsa minni, ça veut dire, il n'est seulement, yani, il n'est pas dans, yani, la perfection de mon chemin. Yani, il n'est pas à 100% comme moi. Et les deux ont fait erreur. La sunna al jamaa disent au milieu. Il n'est ni kafir, ni il a fait une petite chose. Mais il a fait un péché. Il a fait un péché. C'est pas yani, le petit. Ça veut dire qu'il a laissé une sunna. Comme ça disent les maudits. Ils disent yani, il n'a pas suivi la sunna, c'est tout. Il n'a pas un péché. La sunna dit qu'il a un péché, mais il n'est pas kafir. Il n'est pas kafir qu'on dise les kharijites pour l'ayadu billah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith. Je révise et tout. On s'est arrêté. Non. Non, je crois que le dernier hadith où on s'est arrêté, il a parlé du lézard. Il a parlé du lézard. Quand il a dit, إن إبراهيم لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار عنه غير الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand on a jeté Ibrahim alayhi salam, quand on l'a jeté dans le feu, c'est un feu immense bien sûr, tous les animaux ont essayé de d'éteindre ce feu afin de l'attiser, sauf ce reptile qui s'appelle le lézard. Sauf le lézard, il n'a pas voulu. Bien au contraire, il a essayé d'agrandir s'il pouvait ce feu. Il a essayé yani, de le rendre plus brûlant. Qu'est-ce qu'il faisait? Il soufflait. Vous savez, quand on souffle sur le feu, c'est pas pour qu'il s'éteigne, c'est pour qu'il devienne plus grand. Donc seul le lézard, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait de sorte pour que le feu ne s'arrête pas. J'ai dit, c'est pour ça qu'il y a un hadith qui dit que quiconque tue le lézard du premier coup, il a 100 hasana. Allah Azza wa Jalla lui donne 100 hasana s'il tue le lézard du premier coup. Il y a un autre hadith où il dit, s'il le tue le deuxième coup, il a 100. Le troisième coup, il a 100. Et le hadith lui-même, il dit 100. Il dit, il a kaza. Il a kaza. Il n'a pas dit exactement combien. J'ai lu dans un autre hadith qui est aussi vrai. Ça fait longtemps que je l'ai lu, j'ai oublié combien qu'il avait dit. Il avait dit 10 ou bien 30. 30 à chaque fois ou bien 10. C'est-à-dire que c'est moi qui ai oublié. C'est pour ça que Ibrahim alayhi salam, ce sera le premier homme à être vêtu yom al-qiyama. Le premier homme à être vêtu. Car quand on l'a jeté, on l'a yani, dénué, on lui a enlevé ses vêtements et on l'a jeté nu. Allah Azza wa Jal yani, va le récompenser de sorte à ce que ce sera le premier que Allah Azza wa Jal vêtira le jour du jugement dernier bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam, il y avait aussi un hadith après cela où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna iblisa yada'u 'arshahu 'ala al-ma. Vous avez dit que Iblis la'in mettait son trône. Il a un trône bien sûr, car l'arsh en arabe c'est sarir et c'est aussi le trône sarir. Ensuite, il envoie ses soldats. Plus le soldat qu'il envoie, plus le shaitan qu'il envoie, les petits shayatins qu'il envoie, plus ils font des fitna aux gens, plus ils sont plus rapprochés de lui. C'est-à-dire qu'ils donnent les grades, c'est d'après quoi? Les grades et les récompenses, d'après les fitna. Il envoie quelqu'un qui fait une grande fitna, il le fait plus rapprocher de lui. Peut-être il lui donne chef du gouvernement. Il lui donne celui-là, il le fait chef du gouvernement. Si c'est moins, il lui donne seulement ministre. Un peu moins, il lui donne seulement peut-être un policier. C'est tout. Donc plus le shaitan, les shaitans qui l'envoient, plus ils font des fitnas, plus il leur donne des grades. Ensuite il a dit, yadi ou ahadum fayakul. فعلت كذا وكذا. Il a dit, ensuite, quand ils vont ils vont en mission, quand ils reviennent, ils font l'exposé. Ils disent, j'ai fait ceci et cela. J'ai fait, celui-là, je lui ai tourné la tête, il a bu de l'alcool. Celui-là, je lui ai tourné la tête, il a fait la zina. Celui-là, il a pris la drogue. Celui-là. Il a dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, ma fanahta shay'an, tu n'as rien fait. Naam, tu n'as rien fait. Pour moi, ceci n'est rien. Ensuite, il vient quelqu'un des shayatin, il dit, ma taraktuhu, je ne l'ai pas laissé, hatta farraktu baynahu bayna ahlih, je ne l'ai pas laissé jusqu'à ce que j'ai séparé entre lui et sa femme. Ça veut dire, je les ai fait divorcer. Fayudnihim min, alors que fait Iblis, il rapproche ce shaitan de lui, wa yaqul, ni'ma anta, voilà, c'est toi, yani, qui est le vrai soldat, c'est toi, yani, qui mérite la grande récompense. Pourquoi? Parce que séparer entre un époux et une épouse, c'est la plus grande fitna que puisse faire un shaitan. Et c'est la plus grande joie que peut ressentir Iblis. La plus grande joie qu'il ressent, c'est quand on lui dit X et Y se sont séparés. Les époux X et Y se sont séparés. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, yufarriquna bayna al-mar'i wa zawjihi. Yufarriquna, ce sont les shayatins. Yufarriquna bayna al-mar'i wa zawjihi. Plus on est la cause de la séparation entre un époux et une épouse, plus on a ressemblé au shaytan. Plus on a ressemblé au shaytan. Non, parce que c'est le shaytan qui yufarriquna bayna al-mar'i wa zawjihi. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, voilà le premier hadith, inshallah ta'ala, avec lequel on va commencer cette soirée. Allah subhanahu wa ta'ala, an yu'inana, an yuwfiqana, an yahdiyana. Qala, inna ibni hada sayyid. Il parlait de l'Hassan, radiyallahu ta'ala anhu, son petit-fils, le fils de Fatima, radiyallahu ta'ala anha, et de Ali. Ils ont l'Hassan ou l'Hussein. On a montré une fois que ce n'étaient pas des jumeaux. On a montré une fois ce n'étaient pas des jumeaux, qu'il y avait entre eux 2 ou 3 années. Il a dit, inna ibni hada sayyid. Al-Hassan hada, il a dit, sayyid. Yani, c'est un maître, sayyid. Wa la'alla Allah an yusliha bihi bayna fi'atayni azimatayn min muslimin. Et je souhaite que Allah subhanahu wa ta'ala fasse de lui qu'il soit la cause pour la réconciliation entre quoi, deux groupes, yani deux grands groupes, yani de musulmans. Ça veut dire que il va se passer, yani il va y avoir yani une guerre ou là entre Taifatayn Azimatayn min muslimin, entre deux grands groupes de musulmans. Il a dit, je souhaite, ou la incha'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala mette mon petit-fils Al-Hassan la cause pour quoi? Pour grouper entre les deux. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça s'est passé. Comme il a dit, ça s'est passé. Allah azza wa jalla lui a exaucé ce vœu. Pourquoi? Parce que quand il y a eu la fitna entre Mu'awiyah radiyallahu ta'ala anhu et Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum, quand il y a eu la fitna, ensuite quand Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu est mort, son fils Al-Hassan s'est mis à sa place. Et vous remarquez, quand je dis Ali radiyallahu ta'ala anhu, je ne dis pas l'imam Ali, je dis seulement Ali radiyallahu ta'ala anhu. Il n'y a pas de raison que je dise l'imam Ali et que je ne dise pas l'imam Abu Bakr, l'imam Omar et l'imam Othman. Je dis seulement l'imam Ali. Donc ceux qui disent l'imam Ali, ou bien ils le font exprès, ce sont les chiites, hein, ils veulent dire que celui-là c'est un imam. Les autres, ils n'ont pas l'imama. Les autres, ils ont même pris le khalifa, ils l'ont pris de force. Ce ne sont pas des imams. Ou bien, c'est quelqu'un qui ne sait pas. quelqu'un qui le dit comme ça, sans le vouloir, sans le savoir. Celui-là, on lui corrige. On ne lui dit pas, on lui dit pourquoi spécialement Ali. Tous ce sont des imams. Et Abu Bakr, c'est le meilleur d'eux. C'est le meilleur des trois autres. C'est le meilleur des quatre. Ensuite, c'est Omar qui vient en deuxième place, radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, c'est Uthman, radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, c'est Ali. Et tous ce sont des imams. Tous ce sont des imams. Il n'y a pas de cause pour dire seulement Imam Ali. Donc je disais, Hussein, Al-Hassan, radiyallahu ta'ala anhu, quand son père Ali, radiyallahu ta'ala anhu, est mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté 6 mois seulement en tant que gouverneur à la place de son père. Seulement 6 mois sur le trône. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu que la fitna était grande et immense, il a préféré réconcilier entre les musulmans et se délaisser du trône. Et il a laissé le gouvernorat à qui? Il a laissé à Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Il l'a laissé à Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Et tous les musulmans se sont unis sous l'égide de Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, qui a commandé alors 40 années. La hawla wa la quwwata illa billah, mashallah. Regardez le doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit: je souhaite qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de lui l'union entre deux groupes, yani des musulmans. Et c'est comme ça que ça a marché. Et alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala lui a exaucé. Et Hassan a laissé le trône, a laissé le gouvernorat à Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Maintenant, vous comprenez sûrement quelle est la hikma, la sagesse, pourquoi les chiites ne parlent jamais de l'Hassan, ils parlent seulement de l'Hussein. L'Hussein, pour eux, si ce n'est pas un dieu, il n'est pas loin d'être un dieu. Parce que s'ils tombent, ils disent Yal Hussein. S'ils ont des mashakil, Yal Hussein, aide-nous. Yani maintenant, après qu'ils soient morts, bien sûr. Yal Hussein, Kada, Yal Ali, Yal Hussein, Yal. Et jamais ils ne parlent de l'Hassan. Et pourtant, c'est son frère. Pourtant, il est plus âgé que lui, je crois. Non, 2 ans. Mais non seulement il ne parle pas de lui, jamais au grand jamais, mais pire que cela, il le déteste. Il le déteste, l'Hassan. Donc, inchallah, vous avez compris pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il a laissé la place à Muawiyah. Et Muawiyah, radiyallahu ta'ala anhu, pour les chiites, c'est le plus grand shaitan. Ça veut dire que le shaitan, pour eux, est mieux que Muawiyah. Non, le shaitan, pour les chiites, est mieux que Muawiyah. Ils ont dit alors, comment celui-là? Celui-là, l'Hassan, il laisse la place à Muawiyah, l'ennemi, notre grand ennemi, l'ennemi de Ali. Alors, l'Hassan, Hada, on ne l'aime pas. Et pourtant, c'est le frère de l'Hussein. Mais eux, ils font les adorations, ils adorent l'Hussein. Ils adorent, yani, au sens propre du terme. Ils l'adorent comme on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Ils adorent l'Hussein. Wala hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Et pourtant, ils se disent Ahl-Bayt. Ahl-Bayt. Ahl-Bayt. Hassan n'est pas du Bayt, n'est pas de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hassan n'est pas le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Non. Ensuite, il y a un autre hadith. De toute façon, les chiites, je veux vous dire que, yani, il faut bien en prendre, faire gaffe. Non. Ils ont beaucoup d'argent et ils font marcher leur dawa. Leur dawa marche avec de l'argent. Non. Beaucoup d'argent, ils voient dans certains ceux qui n'ont pas le dîn, etc. Ils les font, ils essayent de les tirer vers eux. Les tirer vers eux. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'argent, etc. Ils font à peu près comme les chrétiens. Ils te donnent de l'argent pour entrer dans le dîn. Neuf fichiers. يستميلون قلوب الناس بماذا؟ بالمال. يستميلون قلوب الناس بالمال مثل النصارى. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Yani, ils te disent, Inch'Allah, il ne va rien te manquer, etc. Puis même, ils peuvent t'envoyer même à Téhéran. Téhéran pour vivre là-bas ou là, faire des études ou là. Voilà, hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Cela, c'est la secte la plus dangereuse qui existe maintenant de nos jours. C'est la secte la plus dangereuse et la plus près du coffre. Les ulama, les grands ulama ont dit, ils ont dit, leurs savants, ce sont des koufars. Leurs savants, ce sont des koufars. Mais L'awam, cela, il y en a, il y en a. La plupart n'ont pas compris. Comme ma mère, mon père, ton père, mon frère, ceux-là qui n'ont ni ilm ni rien, ils suivent seulement, ils suivent. Ils sont là en train de dire Al-Hassan, Al-Hussein, pardon, j'ai dit Al-Hassan, ils disent pas Al-Hassan, Al-Hussein, Ali, Ali, Al-Hussein, et sans qu'ils sachent vraiment de quoi ça retourne. Mais leurs savants, leurs ulama, ce sont des kuffars. Vous savez, leurs ulama, ce qu'ils disent? Ils disent dans l'Ashrita, ils disent dans certains cassettes, ils disent Akhta'ta ya Rasulallah, tu t'es trompé ya Rasulallah, tu t'es trompé, Akhta'ta ya Rasulallah. Moi, j'ai entendu quelqu'un de mes propres oreilles, il a dit Inna a'zam al-fitan lati ya'ishuha al-muslimun al-yawm hiya bi sabab Rasulillah, li'annahu lam yubayyin al-bayan al-shafi al-tam. La hawla wa la quwwata illa billah. Na'udhu billah min al-kufr. Na'udhu billah min al-kufr. Na'udhu billah min al-kufr. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit tous les problèmes que vivent les musulmans aujourd'hui, c'est à cause du prophète. Parce qu'il n'a pas montré aux gens le dîn. Il n'aura pas bien montré. Il a caché. Il n'aura pas montré. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est plus kafir que celui-là? S'il y a quelqu'un dans la salle, il connaît quelqu'un plus kafir que celui-là, il le montre. Et celui-là, il dit, je suis un croyant. Je suis un croyant. Et il dit que le prophète ne m'a pas montré. Il dit, Akhta'ta, comme ça, il n'a pas honte. Tu t'es trompé, Akhta'ta ya Rasulullah, trois fois. Akhta'ta, Akhta'ta ya Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-adil. Si quand je dis des choses comme ça, ou là vous entendez des choses comme ça, vous sentez pas votre cœur qui veut se déchirer, ça veut dire que la foi est faible. Même, ça veut dire que la foi est faible. Quand vous entendez une cassette comme celle-là, si vous voulez, Inch'Allah, je vous ferai entendre une cassette. Il faut que vous sentiez comme quelqu'un qui est en train de déchirer votre cœur. Quelqu'un qui prend un couteau et il le fait chauffer et il commence à vous ouvrir le cœur et à le déchirer. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-adhim. C'est pour ça que leur grand chef, qu'est-ce qu'il a, le grand chef, c'est qui? C'est le Khomeini. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réussi dans sa da'wah. Le nabi sallallahu alayhi wa sallam lam yanjah fi da'watihi hatta ya'tiya al-mahdi. Al-mahdi huwa alladhi sayanjah. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réussi dans sa da'wah. N'a pas réussi. Il faut que le mahdi vienne pour que l'islam yani réussisse. Est-ce que vous connaissez coffre comme celui-là? Dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réussi. Tu n'as pas honte? S'il n'avait pas réussi, ne le dis pas, tais-toi. Et honte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui là, non, il n'a pas réussi. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-adhim. Donc les chiites, ils ont des kufriyats et des kufs, ça ne s'arrête pas. Si on voulait les citer, il faudrait écrire des tomes, des centaines de tomes, et ça ne suffirait pas pour dire quelle est leur coffriette. Un jour, inshallah ta'ala, je vous ferai entendre quelques cassettes pour que vous sachiez yani, quel est leur danger. Que leur danger est très très grand et très très yani, très important. Il faut bien connaître le danger pour ne pas tomber dans la chose. Quand on connaît que cette chose est très dangereuse, on a peur d'elle. Quand on ne connaît pas, on ne sait pas que cette chose est dangereuse, c'est-ce qu'on va, yani, pencher de son côté. On va pencher de son côté. Même dans Israël Mi'raj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez qu'il a fait l'ascension vers Allah. Ils disent que l'ascension qu'il a faite vers Allah, il l'a faite sur la main de Ali. C'est-à-dire, c'est Ali qui l'a fait monter sur sa main, il l'a fait monter haut. Et j'ai entendu une cassette où un de leurs savants, entre parenthèses savants, yani le plus grand ignorant du monde, il a dit que le jour du jugement dernier, c'est Ali qui va dire, toi au paradis, toi en enfer, toi au paradis, toi, c'est lui qui choisit, toi au paradis, toi en enfer, toi au paradis, subhanallah. Ça veut dire, il n'y a pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Ali qui dit, toi au paradis, toi en enfer, toi au paradis, la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Ça leur suffit seulement d'avoir dit que Aïcha est une fornicatrice, radiyallahu ta'ala. Notre mère Aïcha, chez les chiites, c'est une fornicatrice, zaniya. Si tu dis pas c'est une zaniya, tu n'es pas des vrais chiites. Tu n'es pas des vrais, tu es un faux chiite alors. On ne t'accepte pas. Il faut, dans la aqida, que tu dises que Aïcha a fait la zina. Malgré que le Coran dit non, le Coran dit on n'a pas fait. Oulaïka mubarra'una, mimma yaqulun. Mubarra'un. خبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. Donc on dit Aïcha n'a pas fait la zina. Et ils disent non ya Allah, non, toi tu sais pas, Aïcha a fait, mais je ne reconnais pas ce verset. Aïcha a fait la zina. La hawla wa la quwwata illa billah. Vous connaissez kufr plus que cela. C'est pour ça que les ulama ont dit quiconque dit que Aïcha a fait la zina, c'est un kafir. Quiconque dit que Aïcha a fait la zina, c'est un kafir. Celui-là il n'a pas d'excuse, c'est un kafir. Ils ont dit pas pour les autres épouses et plus ou moins. Les ulama ont divergé pour les autres épouses. Mais pour Aïcha, ils ont dit c'est un kafir. Pourquoi? Parce qu'il y a le verset. Sauf bien sûr pour le djahel qui ne savait pas qu'il y avait un verset. Ou là, c'est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, je l'ai dit une fois, je le redis, Allah azza wa jalla, qu'est-ce qu'il aura fait? Mu'amalat al-jani bi naqidi qasdih. Mu'amalat al-aw. Qu'est-ce qu'il aura fait? Vous dites de la femme de mon prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne la plus aimée pour moi, vous dites de sa femme la plus pieuse, vous dites que la fille du siddiq, vous dites que quoi, elle a fait la zina. Je vais vous châtier donc au point que la plupart de vos filles et vos femmes vont faire la zina. Et c'est ce qui se passe exactement. Non, c'est ce qui se passe chez les chiites. Pour un dinar ou un euro, il se marie avec une femme pour une heure et deux heures et il dit voilà, j'ai fait le zawaj temporaire, zawaj al-muta. Il dit ça c'est halal, et là, il prend une femme, il va avec elle à l'hôtel, il se marie une nuit. Ils font l'acte, etc. Avant de se marier une nuit, Inch'Allah, c'est combien la dot? C'est 100 euros ou 200 euros. Et voilà, ils sont mariés, le lendemain il se lève, il prend la douche, il lui dit tu es divorcé. Elle lui dit merci, je vais me marier avec un autre, avec 4 ou 5 autres aujourd'hui. Allez, merci, salam alaykoum, mais elle sort. Voilà, zawaj al-muta. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est la zina. Pourquoi la plupart de leurs femmes font cela? Parce que ils ont dit que Aïcha fait la zina. Alors l'azul leur a dit, je vais vous montrer azabi, je vais vous montrer sahati fi dunya. Alors que dans l'au-delà, ce qui vous attend est beaucoup plus grave, bien sûr. Ce qui vous attend dans l'au-delà est beaucoup, beaucoup plus grave. Voilà, hawla wa la quwwata illa billah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit, Inna abwab al-riba ifnana wa sab'una, Inna abwab al-riba iftanu wa sab'una khuban. أدناه كالذي يأتي أمه في الإسلام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit إن أبواب الربا 72 حوبا. Il a dit le riba, vous connaissez ce que c'est riba, tu donnes à quelqu'un de l'argent, quand il te rend plus, comme maintenant les gens font dans la banque, l'usure dans la banque, il laisse 100 euros dans la banque, on lui donne 120, il laisse 1000, on lui donne 1200, et comme ça. Ça s'appelle riba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la riba a dit l'usure, yani, il y a beaucoup de sortes, mais il a dit il y en a 72 sortes, 72 sortes de l'usure. Il y a 72 sortes, 72 façons de rentrer dans ce péché. 72, bon, les 72 ne sont pas dans le même degré de péché, sont pas dans le même degré de péché. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le moins mal de ces 72, le moins mal de ces 72, kalladhi ya'ti ummuhu fil islam, c'est comme celui qui fait la zina avec sa mère. La hawla wa la quwwata illa billah. Le moins grave en ce qui concerne la zina, l'usure, riba, le moins grave, c'est comme si quelqu'un a fait la zina avec sa mère. Qu'en est-il pour le plus grave? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la dirham min riba, si ma ma'na, j'ai oublié le hadith, ashaddu jurman 'indallah, à peu près min 36 zinya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un seul, la dirham min riba, un seul dirham de riba, c'est comme si quelqu'un avait fait 36 fois la zina. Et dans ce hadith, il a dit C'est comme s'il avait fait la zina avec la mère, avec sa mère. Pour quelqu'un qui fait la zina, c'est déjà grave. Imaginez qu'il la fasse avec sa mère. Pourquoi? À cause de l'usure. À cause des gens maintenant, bien sûr, yani, ça leur dit pas grand-chose. Pourquoi? Parce que l'iman dans le cœur est faible. Quand l'iman est faible dans le cœur, il n'a pas peur. Comme a dit l'Azur dans le Coran, il a dit, ben la yakhafoun al-akhira. La yakhafoun al-akhira. Quand quelqu'un n'a pas peur de ce qu'il attend dans l'au-delà, il fait les péchés. Et plus il a peur, plus il ne fait pas les péchés. Maintenant, les gens, ça leur dit rien. Tu lui dis, tu as l'argent dans la banque, on te donne les intérêts, et tu dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Yani, c'est la râle. Tout le monde en fait. Tout le monde fait comme ça. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Je voudrais dire une chose que les oulémas ont dit, quand tu prêtes à quelqu'un de l'argent, et je donne un exemple, tu lui prêtes 1000 euros. Tu lui dis par exemple, dans 3 mois tu me les rends. Et lorsqu'il te les rend, il te rend par exemple 1200. Tu lui as prêté combien? 1000. Il t'a rendu 1200. Ils ont dit, ceci n'est pas l'usure. Ceci, ce n'est pas grave. Et ceci, tu peux les prendre. Tu peux prendre les 200 là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a des hadiths dans ce sens. Et parce que celui qui t'a donné, tu n'as pas fait ça comme condition. Tu n'as pas fait une condition avec lui. Tu lui as pas dit, je te donne 1000, tu me rends 1200. Celui-là, il rentre dans le hadith. Même ça, yani celui qui vous fait un bien, essayez de lui rendre yani mieux. Alors, quelqu'un te prête l'argent, tu lui rends un peu plus, ça se fait. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des fois, il empruntait un petit mouton, par exemple, il rendait quelqu'un de plus grand. Il a un petit veau, il rendait quelqu'un de plus grand. Et entre un petit veau et un grand veau, il y a une différence d'argent. Celui-là, il coûte 1 million, celui-là, il coûte 1,5 million. C'est comme si, hein, il a emprunté 1 million et on lui a rendu 1,5 million. Donc, quand tu prêtes à quelqu'un quelque chose ou là de l'argent, il t'en donne plus, ça ne fait rien. Ce n'est pas interdit. L'interdit, c'est quoi? L'interdit, c'est que tu fasses une condition. Tu lui dis, il faut que tu me rendes ceci. Il faut que tu me rendes ceci. Je donne 1000, tu me rends 1200, par exemple. Ça, c'est interdit. Aussi, une chose très importante que beaucoup de gens ne connaissent pas, quand quelqu'un, tu lui prêtes de l'argent, tu n'as pas le droit, pendant la période où tu lui as prêté de l'argent, tu n'as pas le droit de recevoir des cadeaux. Non, tu n'as pas le droit de recevoir des cadeaux. Pourquoi? Parce que les cadeaux, il te l'a donné ou il te les donne à cause de tu lui as prêté de l'argent. Non. C'est pour ça que, comme a dit Cheikh Ben Othaymin, maintenant, quelqu'un lui a prêté de l'argent, il t'a amené un cadeau. Avant qu'il te rende l'argent, je t'ai dit, s'il te rend l'argent, il te donne le cadeau, il n'y a pas de problème. Maintenant, on est plat période, il n'a pas encore rendu mon argent. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? Normalement, tu n'as pas le droit de prendre le cadeau. Il m'a ramené une montre, il m'a ramené quelque chose, une bague, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu fais? Il a dit, Cheikh Ben Othaymin, tu choisis entre l'une des deux. Bien sûr, si tu peux ne pas la prendre, tu ne la prends pas. Mais des fois, on a honte. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas. Il a dit, ou bien tu lui achètes, toi aussi, quelque chose de la même valeur. Tu demandes combien cette bague ou cette montre a été achetée, par exemple 100 euros, tu vas lui acheter quelque chose de 100 euros. Comme ça, vous êtes quitte. Alhamdoulilah, il m'a donné 100, je lui ai rendu 100. Il m'a acheté une chose, je lui ai donné une autre. Ou bien, qu'est-ce que tu vas faire, puisqu'il t'a donné un cadeau, tu vas demander combien coûte ce cadeau. On te dit, il coûte 100 euros, combien je lui ai prêté? Je lui ai prêté 1000. Quand il me rend l'argent, je ne prends que 900, je ne prends pas 1000. Pourquoi? Les 100, je les fais compter comme quoi c'est le cadeau qu'il m'a donné. Voilà, c'est le cadeau qu'il m'a donné. Pour ça que, comme disent les ulama, que qard yajurru naf'an fa huwa riba. C'est pas un hadith, mais beaucoup de ulama le disent. Ayyu qard yajurru naf'an fa innahu riba. Naam, fa innahu riba. Ensuite, donc ça, c'est en ce qui concerne la riba, c'est en ce qui concerne l'usure, l'ayadu billah. Naam, la fois passée, j'ai parlé d'un hadith, j'ai oublié aujourd'hui dans la réunion, j'ai oublié de le dire. J'ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait montré comment que des fois le bébé ressemblait à la mère et pourquoi aussi la cause, le bébé ressemblait au père. Et pourquoi aussi la cause, le bébé, des fois c'est un sexe masculin, et des fois on a une fille, on a le sexe féminin. Et j'avais dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est quelqu'un qui, Abdullah ibn Salam, avant, qui était juif avant de devenir musulman, il a dit, si vraiment celui-là c'est un prophète, on lui a dit, il est venu à Médine, il est à Médina. Il a dit, je vais le tester. Si c'est vraiment un prophète, qu'il me réponde à ces trois questions. Il avait posé trois questions. Je me rappelle, il avait demandé que mange la première des choses qu'on mange au paradis. La deuxième question, j'ai oublié ce qu'il avait demandé. Et la troisième question, il avait demandé, comment se fait-il que des fois, le bébé ressemble à son père et d'autres, en d'autres cas, il ressemble à sa mère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il a répondu. Et c'est une preuve que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui fait le wahi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été à la faculté. Il n'a jamais été médecin. J'ai dit que peut-être vous allez demander à un médecin ces questions, il ne va pas connaître la réponse. Alors qu'il a fait, c'est un spécialiste en médecine ou en gynécologie. Peut-être qu'on n'est pas la réponse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu. Naam, la troisième question, et qui est la première, il lui avait demandé quel est le premier signe de Ashraf Sa'a, la fin du monde, quel est son premier signe. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le premier signe, c'est le feu. C'est le feu, le grand feu Allah, qui va sortir du côté de l'est et qui va pousser les gens à ce qu'il aille vers l'ouest. Et là, vers l'ouest, c'est qu'il a dit, la première chose, des choses que les gens mangeront au paradis, c'est kabid al-hout, ziyadat ou kabid al-hout. Il a dit, l'hout, en arabe, c'est la banane. Il a dit, le kabid, c'est le foie. Il a dit, il y a quelque chose qui est un peu rattaché au foie. Elle n'est pas dans le foie, mais elle est rattachée au foie. Ça s'appelle ziyadat kabid al-hout. Il a dit, les gens du paradis commenceront par manger l'excroissance du foie. Naam, l'excroissance du foie. Naam, les gens du paradis commenceront par manger, a dit, l'excroissance du foie. Allah subhanahu wa ta'ala nij'alana minhum hatta na'kul hadhi ziyadat kabid al-hout. Amin ya rabbal alamin. Ensuite, il a dit, et il a expliqué que lorsque il y a le rapport entre l'homme et la femme, si le liquide de l'homme, c'est lui qui va le premier, l'enfant ressemblera au père. Si le liquide de la femme, c'est lui qui va au premier à l'endroit de la fécondation, c'est-à-dire à l'utérus, dans l'utérus. Si le liquide de la femme, c'est lui qui précède le liquide de l'homme, donc le garçon ressemblera à ses oncles, c'est-à-dire à sa mère et à ses frères, les frères à sa mère. Et si c'est le liquide de l'homme qui précède dans l'utérus, c'est le garçon ressemblera à qui ? Ressemblera à son père. Alors l'autre, il a dit, « Shahadun la ilaha illallah, Shahadun Muhammad al-Abdu wa Rasulu » parce qu'il avait lu ça, lui, quelque part dans la Torah. Quelque part dans la Torah. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand il y a le rapport entre l'homme et la femme, quand les liquides se joignent, quand les deux liquides se joignent, si le liquide de l'homme vient au-dessus du liquide de la femme, ce sera un garçon. Et si le liquide de la femme vient au-dessus du liquide de l'homme, ce sera une fille, ce sera pas un garçon. Donc on a quatre cas. Lorsqu'il y a le rapport, si le liquide de l'homme précède le liquide de la femme dans l'utérus et vient en dessus, ce sera un garçon et il ressemblera au père. Si le liquide de l'homme précède le liquide de la femme et va être en dessous, ce sera un garçon et il ressemblera à sa mère. Si le liquide de la femme précède le liquide de l'homme et sera en dessus, ce sera une fille et elle ressemblera à sa mère. Si le liquide de la femme précède le liquide de l'homme et sera en dessous, si le liquide de la femme précède celui de l'homme, il ressemblera à la femme et ce sera un garçon. Il ressemblera à la femme, parce qu'il a précédé, et ce sera un garçon parce qu'il a été au-dessous. Donc il y a les quatre cas. C'est ça que le garçon. Des fois c'est un garçon, des fois c'est une fille. Des fois il ressemble à l'homme, des fois il ressemble à la femme. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a montré. Maintenant, de nos jours, peut-être qu'il y a des gens qui sont des spécialistes en gynécologie qui ne savent pas cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une fois a dit une fois, Inna Uhudan, Jabalan, Yuhibbuna ou Nuhibbuhu. Il parlait d'une montagne, sallallahu alayhi wa sallam. Il parlait d'une montagne. Qu'est-ce qu'il a dit de la montagne? Une montagne, elle a, premièrement, elle a un nom. Elle s'appelle Jabal Uhud. Il a dit, Inna Uhudan, Inna, Jabal Uhud, Inna Uhudan, Yuhibbuna. Afwan, Jabalun Yuhibbuna ou Nuhibbuhu. C'est une montagne qui nous aime et que nous aimons. Premièrement, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est une montagne que nous aimons, c'est une preuve qu'en islam, on peut même aimer des choses qui n'ont pas d'âme. On peut aimer une montagne, on peut aimer un arbre, on peut. Yani, subhanallah, l'islam, yani, l'amour en islam, c'est tellement yani, vaste. Ça ne s'arrête pas seulement entre les êtres humains. Ça va aux animaux, ça va. Ahta al-jamadat. Mais ça, ce n'est pas grave. Un peu étonnant, c'est que le prophète alayhi sallam, c'est qu'il est dit Inna Uhudan Jabalun Yuhibbuna. Donc Uhud, cette montagne nous aime. Cette montagne nous aime. Donc l'amour de la montagne envers nous, c'est la montagne qui nous aime. Ça, comme disent les ulama, c'est une preuve que toute chose qui a été créée a une vie, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, a une vie, mais une vie spéciale qu'on ne connaît pas. Non. Chaque chose a une vie. Un caillou, il est possible qu'il aime. Il aime des personnes, ou là, il aime un autre caillou. Là, ils ont une vie spéciale qu'on ne connaît pas. Je ne parle pas seulement des animaux, je parle des jamadet, des choses yani, qui n'ont pas de vie. Les choses qui n'ont pas de vie, et elles ont yani, des choses spéciales. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَإِن مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُ نَسْبِحَهُ » Il a dit « Il n'y a pas une chose que j'ai créée, salam rahmatullah, il n'y a pas une chose que j'ai créée qui ne fasse pas le tisbih. » Et même quand il a parlé dans son mort, il a dit « وَالطَّيْرُ صَافَّتْ كُلُّنْ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَ وَتِبِحَهُ » On a parlé des oiseaux, et ensuite il a dit « Toutes les choses connaissent leur salat et leur tisbih. » Toutes les choses que Allah subhanahu wa ta'ala crée font la salat à Allah subhanahu wa ta'ala. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wash-shamsu wal-qamaru wan-nujum. Subhanallah, ash-shamsu wal-qamaru wan-nujum wal-jibalu wash-shajaru wad-dawabu wa kathirun min nas. Tout cela font les sujouds à Allah subhanahu wa ta'ala. Wash-shamsu wal-qamaru bi-hasa wan-najmu wash-shajaru yasjudan. Wan-najmu wash-shajaru, an-najm l'étoile et ash-shajar, l'arbre, yasjudan, ils font leur sujoud. Non, nous on ne voit pas, nous on ne connaît pas, nous on sait pas, c'est tout. Mais tout ce que Allah Azza wa Jalla a créé, reconnaît et atteste que c'est Allah le créateur. Soit en faisant le tisbih. C'est pour ça qu'il y a un hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour une fois, il parlait avec les sahaba, il leur a dit Je connais quelques cailloux à Mecca qui, avant de devenir prophète, il me disait salam alaykum. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il devienne prophète, juste un peu avant, c'était les signes précurseurs qu'il allait devenir prophète. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah Azza wa Jalla a permis à des choses, par exemple, extraordinaires d'être des signes pour lui. Entre ces choses, quand il passait devant certains cailloux, il lui disait salam alaykum. Il se retournait, il ne voyait rien. Ensuite, il savait que c'était le caillou, ou là, le petit rocher, qui lui a dit salam alaykum. Donc ce n'est pas étonnant. Et c'est pour ça, bien sûr, il y a des hadiths où il est dit que les animaux ont parlé et que les animaux parleront aussi avant la fin du monde. Le lion va parler, comme c'est dans le hadith sahih. La cuisse, notre cuisse va parler, nos souliers vont parler. Non, notre cuisse va parler, les animaux vont parler, les animaux ont parlé. Comme dans le hadith sahih, où il y a quelqu'un, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec certains compagnons. Il a dit, quelqu'un est monté sur une vache. La vache lui a dit, يا هذا لم نخلق لهذا اتق الله لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. La vache lui a dit à ce bonhomme, écoute, on n'a pas été créé pour qu'on monte sur nous. On n'a pas été créé pour cela. On a été créé pour yani الحرث, pour la terre. Ou الحرث, j'ai oublié comment on dit الحرث. Le mohim. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? أنا أؤمن بهذا. Moi je crois en cela. Je crois qu'une vache a parlé. Et Abu Bakr croit en cela. Et Omar croit en cela. Pourtant Abu Bakr et Omar n'étaient pas ce jour-là assis avec eux. Mais il a pris la responsabilité à leur place de dire qu'ils croient en cela. Parce qu'ils connaissent leur iman. il sait que quand ils savent que le prophète a dit une chose, c'est une chose. Donc tout ce que je voulais dire, il y a toutes ces choses, tout cet univers, il a un langage et il a une vie qui elle lui est propre. Nous, on ne la connaît pas, bien sûr. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a parlé dans Sourate Al-Kahf, que vous lisez tous, lorsqu'il a dit que, on commence à ce moment, il a dit « Fantalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha » فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. C'est un verset sur le cas. Qu'est-ce qu'il a dit ici dans le Coran? Il a dit qu'il parlait de Khadir alayhi salam et de Moussa alayhi salam. Il a dit ensuite ils ont marché, ils sont arrivés dans une ville ou un petit village. Ils avaient faim, ils ont demandé aux gens du village de leur donner à manger. Il a dit ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté. حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. Ils ont demandé à manger. فأبوا. Non, ils n'ont pas accepté. فأبوا أن يضيفوهما. Ils n'ont pas accepté de les prendre comme invités. Il a dit فوجد جدارا يريد أن ينقض. Ils ont vu un mur qui allait s'effondrer. Dans le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit يريدو. Il a dit qui voulait s'effondrer. Vouloir s'effondrer. Donc le mur, l'Azul a dit qu'il a une volonté. Le mur a une volonté. La preuve, il a dit il voulait. Il n'a pas dit l'Azul un mur qu'on allait faire tomber. Il a dit un mur qui voulait s'effondrer. Donc le mur a une volonté. Le mur, et l'Azul a dit dans le Coran, Us'al il-Qarya, demande au village, Us'al il-Qarya, demande à la ville, elle va te répondre. Demande. Non. Donc, et plus clair aussi, vous connaissez, je vous l'ai dit, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une fois rentré dans un jardin pour faire ses besoins. Ensuite il y a un chameau qui est venu vers lui et le chameau a commencé à pleurer. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est sorti, il a dit qui est le propriétaire de ce chameau. Le chameau m'a dit que son propriétaire, yani, prend sur lui beaucoup de choses lourdes, des choses lourdes, et en même temps ne lui donne pas beaucoup à manger. Donc un chameau qui a pleuré devant le prophète Hassan et qui lui a même s'est plaint. Il m'a dit voilà ce qui se passait, voilà. Et encore plus clair, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant d'avoir le minbar, le vendredi, avant d'avoir le minbar, qu'est-ce qu'il faisait sallallahu alayhi wa sallam? Il avait un tronc d'arbre sur lequel il se penchait comme ça et il faisait le prêche du vendredi. Un jour, il y a une femme qui avait un fils menuisier et dans un autre hadith, il est dit c'est un homme qui s'appelle Tamim Dari. Il a dit au prophète, pourquoi je ne te construirai pas un mimbar dans lequel tu pourras t'asseoir pour faire les prêches, etc. Il lui a construit le mimbar. Et quand la première fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le mimbar pour faire la Jumu'a pour la première fois sur ce mimbar, il avait délaissé le tronc d'arbre, le tronc du palmier sur lequel il se penchait pour faire la Jumu'a. Et il a commencé à faire son prêche sur le mimbar. Que s'est-il passé? Alors qu'il commençait à parler aux gens, ya ayyuhannas taqou rabbakum, etc. Et voilà que le tronc d'arbre qu'il avait délaissé a commencé non seulement à pleurer, mais à gémir. Yani, comme fait un petit enfant, quand par exemple on lui enlève la sucette ou là quand on le frappe ou là il commence à pleurer. Waouh, waouh, waouh, comme ça. Yani, ensuite, c'était au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu terminer le Jumu'ah. Il s'est arrêté comme ça. Ensuite, il est descendu du mimbar et il est allé, la hawla wa la quwwata illa billah, il est allé vers le tronc du palmier et il a mis sa main sharifa, la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam sharifa, sur le tronc. Il a commencé à le caresser comme on caresse un petit bébé pour le faire dormir. On lui dit khlas, tais-toi, khlas, inshallah, khlas, mon fils, khlas. On commence à le frapper comme ça doucement sur son dos jusqu'à ce qu'il dorme. Et comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à faire avec le tronc d'arbre jusqu'à ce que le tronc se soit tué. Yani, il s'est tué, il n'a plus gémi. Ensuite, il a terminé son prêche, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, regardez, un tronc d'arbre n'a pas accepté. Il a senti dans son cœur comment yani, il me délaisse et prend autre chose que moi. Et il a gémi, il a souffert, il a pleuré. Il n'a pas pu se retenir yani, devant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'était, tout cela, c'était pour vous dire que yani, toutes les choses qui sont yani, autour de nous, etc., que Allah Azzawajal a créé, atteste que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur, et l'adore d'une façon spéciale à elle, ses créatures. Nous, on ne sait pas comment qu'elle l'adore. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna ahadakum yatihi shaytan fayaqul man khalaqak. Il a dit, le shaytan vient à certains de vous et lui dit, qui t'a créé? Toi, qui t'a créé? Il a dit, fayaqulu Allah. Il répond, Allah, c'est Allah qui m'a créé. Il a dit, fayaqul man khalaq Allah. Qui a créé Allah subhanahu wa ta'ala? Alors là, le prophète alayhi wa sallam a dit, faida wajada dhalika ahadukum falyaqul amantu billahi wa rasulihi fa inna dhalika yudhibu an. Il a dit, si jamais quelqu'un y trouve ça dans son cœur, qu'est-ce qu'il dise? Qu'il dise, amantu billahi wa rasulihi. Dès que le shaitan vient, commence à se faire le ouest, qui a créé Allah, comment ceci, comment cela, qu'est-ce que tu dis? Amantu billahi wa rasulihi. Dans un autre hadith, il est dit, tu craches trois fois à gauche, tu dis, adoula mishtan rajim, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuan ahad. Donc, si tu ne sais pas ce doua, tu prends celui d'aujourd'hui qui est très simple. Qu'est-ce que tu dis? Amantu billahi wa rasulihi. J'ai cru en Allah, dans son prophète. Il a dit, alors le shaitan va s'éloigner de toi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, dans un jami' sahih, il a dit, la tufakiru fillah, walakin fakiru fi ala illah. Ne méditez pas sur Allah. Car, pourquoi? Il n'y a pas de résultat. Tu perds ton temps. Si non seulement s'il n'y avait pas de résultat et ça s'arrêtait là, ma'alish, mouchkila, c'est que ça va te faire du ouswas, ça va te faire des problèmes. Ça va te faire du ouswas et ça va te faire des problèmes. Donc, il a dit, ne méditez pas sur Allah, mais méditez en ses créatures. Naam, regarde les cieux, regarde les montagnes, regarde les étoiles, regarde la lune, regarde la pluie, comment qu'elle tombe, regarde la neige, regarde soi-même, regarde tes yeux, tes mains, tes cheveux, Allah, comment tu marches, comment tu t'assois, comment ta main est faite. De façon à ce qu'avec tes doigts, tu puisses manger, tu puisses prendre, tu puisses boxer, tu puisses... Masha'Allah, regarde toi-même. Ne va pas loin. Regarde comment, par la même bouche, si tu mets de l'eau, ça sort par un endroit. Si tu mets du manger, ça sort par un autre endroit. La hawla wa la quwwata illa billah. Comment l'eau, quand elle rentre, elle sait choisir le chemin qui va la faire sortir par devant. Et le manger, il va choisir l'autre chemin. Qui lui a montré ce chemin? Pourquoi il ne se trompe pas? La hawla wa la quwwata illa billah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Regardez en vous-même. Pas la peine d'aller loin. Alors, il est interdit en islam de penser comment Allah a été créé, etc. Premièrement. Deuxièmement, ce hadith veut montrer que le shaitan, il vient à tout le monde. Bien sûr, il ne vient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah de faire de sorte qu'il fasse de son shaitan un musulman. Allah Ta'ala a exaucé son vœu, il a fait du shaitan du prophète sallallahu alayhi wa sallam un musulman. Seulement, je n'ai jamais lu dans un livre, est-ce que ce shaitan qui est devenu musulman, est-ce qu'il va aller au paradis ou non? Et 99%, inshallah Ta'ala, il va aller au paradis, parce que tous les musulmans iront au paradis, qu'ils soient djinns ou qu'ils soient êtres humains. Mais je veux dire, je n'ai jamais yani, lu comme ça clair dans un livre. Donc, tout le monde a ce shaitan. Mais il faut essayer de l'éviter. Dès qu'il vient, amantu billahi wa rasulihi. Ou bien tu fais le dua, ou bien tu lis ayat kursi, ou bien tu changes de sujet, tu vas parler avec quelqu'un, tu ouvres un livre, tu te laisses pas comme ça seul, en train de méditer. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit, inna shaytana ma'al wahid. Le shaytan est avec l'isolé, celui qui est seul. Inna shaytana ma'al wahid. Wa huwa min al-ithnaini ab'ad. Et il est loin de ceux qui sont deux. Dès que vous êtes deux, trois, quatre, le shaitan est loin. Dès que tu es seul, il est là. Il est là, dans tes oreilles, jusqu'à ce que, je ne sais pas où il va arriver, d'après l'iman de la personne, et d'après sa sincérité. Non. Ensuite, vous connaissez le hadith, celui-là qui va venir, il est un peu tawil, mais je vais essayer de le résumer très vite pour vous dire ce qu'il y a d'important. Le prophète alayhi sallam a dit, dans le hadith sahih 1543, il a dit: Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa. Yani, l'un de vous compte le 40e jour, il est seulement nutfa, quand il est dans l'utérus de sa mère, et seulement nutfa, c'est une goutte de sperme. Thumma yakunu 'alaqa mithla dhalik, ensuite 40 jours après, il devient autre chose, hein, quelque chose déjà qui commence à s'accrocher. 'Alaqa, c'est ta'allaq. Thumma yakunu mudgha, ensuite c'est un morceau de viande, c'est comme quelque chose qu'on met dans la bouche. Yimdakh, hein, quelque chose qu'on met dans la bouche quand on écrase par exemple avec la bouche le chewing-gum. Qu'est-ce qu'il laisse? Il laisse des marques des dents. Celui-là, maintenant il a passé 120 jours, il a déjà les petites traces, cela. Il a dit Thumma, ensuite, maintenant c'est le 4e mois, Yab'athullahu ta'ala malakan, Allah Azza wa Jalla va envoyer qui? Envoyer un ange pour écrire quatre choses. Il écrit ses actions, rizqahu, yani ses biens, ajalahu, quand est-ce qu'il va mourir, et shaqiyun am sa'id, heureux ou bien malheureux. Thumma yunfakhu fihi ar-ruh, ensuite Allah Azza wa Jalla insuffle l'âme dans ce bébé. قال فإن الرجل منكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون normalement لا يكون ici il a dit لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. Ensuite il a dit que يعني certains gens يعني ils font le quand on les voit, c'est pour ça que je dis il faut bien qu'ils soient bien compris, sinon il peut égarer les gens qui ne connaissent pas bien ces choses. Certes, chacun de vous, lorsqu'il est créé dans le sein de sa mère, est d'abord pendant 40 jours une gouttelette, puis devient du sang coagulé, alors, pendant une semblable durée de temps. Puis enfin, durant un même laps de temps, 40 jours après, devient une bouchée de chair. Voilà, morceau de viande gelée. Là-dessus, l'ange lui est envoyé qui insuffle l'âme. Il est ordonné à celui-ci d'accomplir quatre commandements, à savoir d'inscrire les moyens de vivre du nouvel être, le terme de son existence, ses actions, et enfin son infortune ou son bonheur futur. Barakallahu fik Abu Talib. Je disais, ici, à la fin du hadith, il a dit, et certains gens, yani, font de bonnes actions, etc. Ensuite, c'est quoi? Il a dit ensuite, ben voilà le hadith ici, il est là, on sait aussi, par Allah, en dehors de. Chacun de vous aurait beau œuvrer, comme l'ont fait ceux destinés au paradis, en sortissant de. Et certes, chacun de vous. Non, il veut dire par là que, des fois on œuvre, et dans le bon sens, ensuite c'est le livre qui nous précède, et on fait l'action du mauvais chemin et on va aller en enfer. Et certains font de mauvaises actions, ensuite le livre les précède, ils font de bonnes actions et ils vont au paradis. Ce hadith, il faut bien le comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire, ça est expliqué par un autre hadith. Que dit le deuxième hadith? Il dit que cette personne qu'on voit nous, on voit, elle est masha'Allah, la prière, la zakat, le hajj, le sitar, masha'Allah. Ensuite, la dernière minute, elle va faire des choses qui ne sont pas bien, elle va aller en enfer. Pourquoi? Parce que les choses qu'elle faisait, c'était des choses bien, etc. Fima yibdou linnas, yani, en ce que nous on a vu, mais nous on ne voyait pas ce qu'il y avait par exemple à l'intérieur de son cœur. Et on ne voyait pas ce qui s'est passé après que nous on a quitté cette personne. Moi quand je laisse quelqu'un, mashallah, dans la mosquée, ensuite je ne le vois pas 2 ou 3 ans ou 4 ans. Si je meurs, je le trouve à Jahannam. Celui-là, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait après moi. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il sera devant son bassin, il y a plusieurs gens qu'il ne va pas accepter. Il va essayer de leur donner à boire. Les anges diront non, non, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Yani, ils ont changé beaucoup de choses. Il dira alors, suhkan, suhkan, alors, yani, éloignez-les de moi. Nous, quand on voit quelqu'un dans un bar aujourd'hui, moi, je peux pas juré par Allah qu'il va continuer comme ça et mourir comme ça et aller en enfer. Parce que je ne connais pas le ghaïb. Celui-là, peut-être, une semaine avant de mourir, il va, quoi? Il va faire le grand repentir et aller au hajj et je ne sais pas quoi. Naam. Et celui-là qui est masha'Allah ou là, la soeur qui est masha'Allah ou là, je ne sais pas moi, une semaine avant de mourir, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça que on doit toujours faire beaucoup de doigts à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il ne nous égare pas et pour qu'il nous aide à rester dans le droit chemin. C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, c'est pour ça, 7 fois par jour, 5 fois par jour, au moins, dans 5 salats, qu'est-ce qu'on dit? Ihdina sirat al-mustaqim. Ihdina, guide-nous vers le sirat al-mustaqim. Sirat al-ladina an'amta alayhim. Tu demandes 5 fois dans 5 salats, yahsab, combien de rak'a? Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider et de te laisser guider. Pourquoi? Parce que d'une minute à l'autre, quelqu'un peut virer. Comme a dit Allah Azza wa Jal, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Et on fait renverser leur cœur et leurs yeux comme s'ils n'avaient jamais cru en cette chose. Non. C'est pour ça que tu t'étonnes. Subhanallah. Il dit celui-là. Il y a seulement, je l'ai rencontré ça fait 2 mois ou là, masha'Allah, la barbe jusqu'au nombril. Maintenant, il ne fait plus la prière et il consomme la drogue. La hawla ou la quwwata illa billah, c'est possible. Naam, c'est possible. Ne t'étonne pas, ça peut t'arriver à toi-même. À toi-même, moi je vous parle maintenant, je ne sais pas ce qui va arriver dans une minute. Naam, il faut tout le temps être près d'Allah subhanahu wa ta'ala et demander qu'il te laisse dans son chemin. Et quiconque demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal le laisse dans le chemin. Et il aime ceux qui le demandent des choses pareilles. Bien au contraire, s'il égare quelqu'un, c'est quelqu'un qui ne demande pas la guider. Quelqu'un qui oublie Allah, Allah Azza wa Jal va l'oublier. L'oublier dans le sens de le délaisser, car Allah n'oublie pas. Naam. Donc, si tu dis, subhanallah, cette sœur, qui masha'Allah, si tard, et je ne sais pas quoi. Maintenant, خلاص, ni prière, ni rien, mini jupe, et je ne sais pas quoi, la mode. La hawla wa la quwwata. Naam, ça peut t'arriver, toi aussi, ma soeur. Toi aussi, ça peut t'arriver. C'est pour ça que, fais beaucoup de doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala te guide et raffermisse ton cœur. Et raffermisse ton cœur, car d'ici une seconde, une minute, tu ne sais pas ce qui va se passer. Alors, qu'en est-il pour quelqu'un qui va vivre 30 ou la 40 ou la 50 ans? Dans 50 ans, qu'est-ce qui va se passer? Des milliers de fitna. Alors, si Allah te fait raffermir, naam, tu es raffermi, sinon c'est grave. C'est pour ça qu'il faut beaucoup demander à Allah subhanahu wa ta'ala de quoi, de raffermir le cœur. C'est pour ça dans le Coran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Il dit beaucoup, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allah azza wa jalla ne fait pas c'est difficile de dire tuzigh, n'égare pas mon cœur ou là, ne dévie pas mon cœur après que tu m'aies guidé. Après que tu m'aies guidé, ya Allah. Et en revanche, donne-moi une rahma. Donne-moi une rahma qui va m'aider pour rester dans le droit chemin. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, ici, je voudrais dire, dans ce hadith qui parle de la formation du bébé, je voudrais dire que quand un bébé tombe de la mère, qu'on appelle un avortement, quand il y a un avortement, sans qu'elle le veuille, elle fait un accident, la laqdar Allah. En parenthèse, je dirais à mes frères et mes soeurs que la prochaine fois, Inch'Allah, c'est quand? Et mercredi. Mercredi, Inch'Allah, il y a un contrôle là. Il y a un contrôle sur, spécialement sur les lochis et les monstres. Je disais, quand une femme avorte, la première, ou là, le bébé tombe, fausse couche, ce qu'on appelle fausse couche, la première des choses, elle voit quoi? Elle voit, est-ce que le bébé a une formation ou elle n'a pas été formée? Si il n'a pas été formé, c'est un morceau de viande, il n'a ni tête, ni yeux, ni pieds, ni rien, il n'a rien. C'est quelque chose comme ça, un morceau de viande. Celui-là, qu'est-ce qu'on fait? On le met n'importe où. On creuse un morceau de terre sous la terre n'importe où et on l'enterre. On l'enterre n'importe où. C'est-à-dire, c'est pas la peine de l'enterrer dans le cimetière, etc. Maintenant, s'il a dépassé les 4 mois, ça veut dire l'âme a été insufflée. Celui-là, on fait sur lui, on le lave, on fait la prière, et on le lave, donc, et on l'enterre dans un cimetière de musulmans. C'est pour ça que il y a trois cas. Il y a trois cas en ce qui concerne le bébé qui est dans le ventre. Le bébé, tout bébé qui est dans le ventre, il y a trois cas. Il y a entre le premier jour et le 40e jour. Une femme est en grossesse entre le premier et le 40e jour. Ici, elle ne peut se faire avorter ou la descendre à le bébé que pour un besoin. S'il y a un besoin, le médecin a dit, toi, tu peux pas y rester en grossesse, c'est dangereux pour toi, ça. Celle-là, elle le fait avorter. Entre quoi? Entre un jour et 40 jours. Ça, elle le fait avorter par besoin. Entre 40 jours et 4 mois, c'est-à-dire avant le 4e mois, 3 mois et 29 jours, entre 40 jours et 3 mois et 29 jours, l'âme n'a pas encore été insufflée, il est interdit de l'avorter que dans la nécessité. De 1 à 40 jours, par besoin seulement, maintenant c'est un peu plus grave, par nécessité. Par exemple, on dit à la mère, si celui-là, tu vas accoucher de lui, tu vas mourir. C'est très grave. Si tu vas accoucher de lui, tu vas mourir. Ça, c'est par nécessité. On doit sauver quoi? On doit sauver la femme, on doit sauver la mère, et on l'a fait avorter parce que il n'a pas encore été insufflé en lui l'âme. Maintenant, après le 4e mois, un jour après le 4e mois, et on monte, 5e mois, 6e, 7e, 8e, il est interdit de faire avorter la femme dans tous les cas. Cheikh Ibn Uthaymin a dit, quitte à ce que la mère meure et lui, il vive. C'est interdit de le faire avorter après que Allah Azzawajal ait insufflé l'âme. Et ce n'est pas la fin de dire, j'ai vu avec le scanner ou là comment ça s'appelle, et j'ai vu qu'il était déformé, ou là on m'a dit qu'il va sortir malade, ou là il ne va pas pouvoir marcher, ou là il a ceci, il a cela. Tout cela, ce n'est pas une excuse. Les ulama ont dit, c'est une vie, c'est une personne, que classe qui est vivante. Elle est seulement en prison, elle attend qu'elle sorte. Est-ce que toi tu peux tuer quelqu'un qui est en prison? Tu dis, puisque tu es en prison, je te tue, tu n'as pas le droit de vivre. Non. Tu es en prison, il attend seulement qu'il sorte. Mais il est vivant. Il mange, il boit, il fait exactement comme on fait nous, d'une façon spéciale. Donc, et il n'y a pas de raison pour que la mère vive et lui meure. Il n'y a pas de raison. Pourquoi c'est pas le contraire? Pourquoi c'est pas lui qui vit et elle qui meurt? L'échographe, non. Si on a dit, on ne peut, après le 4e mois, on a le droit de la faire avorter que dans un seul cas, lequel, si on sait que le bébé va sortir vivant. Naam. Fi halatin natayaqqanu fiha madha? Yani sihhatahu wa annahu wa salamatahu. Si on sait que maintenant, en la faisant avorter, il va sortir vivant, alhamdoulilah, il n'y a pas de mouchkila. Mais on va l'avorter pour que il meure lui et elle vive, ça y a pas en islam. Il n'y a pas ça en islam. Elle doit patienter jusqu'à ce que ils sortent de son ventre. Et n'oubliez pas bien sûr, où là ils font la césarienne, ils le font sortir vivant, ils le font sortir vivant. N'oubliez pas que quiconque des femmes meurt en pleine grossesse, c'est une shahida. Masha'Allah aliyah, quiconque des femmes meurt en grossesse, le prophète a dit, c'est une shahida. Vous connaissez le hadj du shahid. Pourvu que quoi? Pourvu que bien sûr la grossesse soit du halal, mais pas la zina. On ne parle pas de la zina, donc bien sûr. On parle entre gens pieux, gens qui croient en Allah, qui l'adorent et qui ne font pas les grands péchés. Toute femme qui a un fils de halal, de son époux dans son ventre, et elle meurt à cause de lui, Allahu Akbar, c'est le paradis qui l'attend avec ses 8 portes ouvertes. Pourquoi? Parce qu'elle est morte à cause de la grossesse. Je disais, voilà en ce qui concerne ce hadith. On va chercher un autre hadith, deux, trois, un autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith qui va venir, il a dit, Inna akhakum al-najashiya qad mat, faqumu fasallu. Vous connaissez tous le négus. Le négus, Najashi. Vous le connaissez tous, c'est le gouverneur de l'Éthiopie. Et, masha'Allah alayh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ja'far et beaucoup de compagnons, ils sont restés chez lui, masha'Allah. Il y avait aussi, Ramla, Habiba, ma fille de Abu Sufyan, il y avait Abdullah ibn Mas'ud. Il y avait pas mal de sahaba radiallahu ta'ala anhum qui sont allés se réfugier chez lui. Le négus, quand il est mort, Quand il est mort au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit El yawma tuwfiya 'abdun salih aw akhun salih. Homo fa sallu alayh. Il a dit aujourd'hui quelqu'un de pieux, de quelqu'un de salih, mashallah, est mort. Donc nous allons faire la prière sur lui. Ils ont fait ce qu'on appelle la prière de l'absent. Donc la prière de l'absent, on l'a fait quand? On l'a fait quand quelqu'un meurt dans un pays où il n'y a pas ceux qui font la prière sur lui. Quiconque meurt dans un pays où ils n'ont pas fait la prière sur lui, on peut, nous, dans un autre pays musulman, faire la prière sur cette personne. Mais si une personne meurt dans un pays et on a fait déjà sur elle la prière, on ne peut pas, dans un autre pays, faire la prière sur cette personne. Et bien sûr, ce qui est aussi très important ici, c'est quoi? C'est que ce hadith brise, je dis bien brise le dos des takfiriyin. Non, n'oublie pas ce hadith. Akhi Salafi, Ukhti Salafi, n'oublie pas ce hadith. Il brise le dos des takfiriyin. Pourquoi? Parce que Najashi, le négus, n'a jamais fait la prière, ni n'a jugé avec le jugement d'Allah. Est-ce que le Najashi, est-ce qu'il a appliqué la sharia en Éthiopie? Il a appliqué la sharia? Il n'a jamais fait la prière, comme a dit Cheikh l'Islam. Peut-être, et le prophète Al-Sham a dit, c'est quelqu'un de pieux qui est mort, allons faire la prière sur lui, et il a fait la prière sur lui. Est-ce que le prophète Al-Sham fait la prière sur quelqu'un qui est kafir? Ma'ad Allah. Donc c'est un délit qui brise le dos des kafiriens, il brise leur dos. Naam, il brise leur dos. Pourquoi? Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a demandé s'il était musulman. Moi, je viens de vous dire que le prophète Hassan vient de faire la prière sur lui, on me dit s'il est musulman. Est-ce que vous avez entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait la prière sur quelqu'un qui est kafir? C'est pour ça que le négus, qu'est-ce qu'il a dit? Najashi, qu'est-ce qu'il a dit? Comme c'est dans le hadith, dans le Bukhari. Le hadith est dans le Bukhari, vous pouvez vérifier. Il a dit, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhad anna Muhammad. Je reconnais que Muhammad Rasulullah. Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il a dit, si je pouvais, j'allais chez lui, je lui laverai les pieds, à qui? Au négus. Donc je disais que le négus n'a jamais fait le chokm bimans Allah, il n'a jamais appliqué l'islam, parce qu'on m'a dit chez l'islam, il n'a jamais fait la prière, et le prophète Islam a dit c'est un musulman, il a fait la prière sur lui. Peut-être certains vont dire il ne savait pas qu'il y avait la prière, il ne savait pas la sharia. On leur dira très vite, on leur dira, il savait qu'il y avait la sharia, il savait très bien. As-tu oublié que le prophète Hassan, quand il a envoyé Ja'far radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit dans le dialogue quand le négus lui a dit de quoi que vous ordonne-t-il cet homme? Il lui a dit كان يأمر بالصلاة والزكاة والعفاف. Il a dit, il nous a ordonné la salat, la zakat, de s'éloigner des péchés, de faire bien avec son voisin. Donc il lui a parlé de la salat, la zakat, il connaissait toutes ces choses. Mais il n'a pas fait la salat à cause d'eux, il ne pouvait pas. Il était dans un endroit tout kuffar, etc. Et le prophète Islam, il a dit, c'est un musulman. Et il a fait quoi? Il a fait la prière sur lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Car qu'est-ce que j'ai dit ici? Non. J'ajouterai un autre hadith, je crois que je vais arrêter. Il a dit Inna akhwaf ma akhaf ala ummati amalu qawm Lut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, il n'y a pas une chose dont j'ai peur pour ma nation comme l'homosexualité. Il n'y a pas une chose dont j'ai peur pour ma nation comme quoi? Comme l'homosexualité. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit si vous trouvez quelqu'un, yani un homme qui fait avec un homme, tuez le faiseur et la personne en laquelle on a fait, l'actif et le passif, tuez les deux doivent être tués, celui qui fait et celui à qui on a fait. Bien sûr, l'homosexualité, comme ça rentre entre les hommes, ça rentre aussi entre les femmes. comme ça se fait entre les hommes, ça se fait mal asif ou ma'av Allah, ça se fait aussi entre les femmes. Et les ulama ont divergé sur la façon de tuer l'homosexuel. Non, ils ont divergé. Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, en son temps, les a brûlés. On dit en son temps, peut-être qu'il a trouvé dans toute sa vie, il y a 2 ans qu'il a été gouverneur, peut-être qu'il a trouvé 2 ou 4 maximum. C'est pas comme maintenant, bien sûr. Qu'est-ce qu'il les a fait? Il les a brûlés. Et Marwan aussi les a brûlés après. Quand il était gouverneur, il les a brûlés. Ali ibn Abi Talib a dit, on ne brûle pas. Il a dit, on les fait monter dans l'endroit le plus haut de la ville. S'il y a par exemple la plus grande montagne, on les place en haut et on les jette d'en haut. Par exemple, de notre temps, si on prenait avec l'application de Ali radiallahu anhu, on les prendrait dans le plus haut immeuble. Par exemple, 20 étages, 30 étages, on les jetterait d'en haut. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça, c'est le châtiment de cette vie. Qu'est-ce qui les attend demain? Qu'est-ce qui les attend demain? Comme a dit l'autre, alayhi salam, il a dit, أَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ. Il a dit dans l'autre ayah, il a dit وَتَتْرُكُونَ الرِّجَالَ subhanallah وَتَتْرُكُونَ النِّسَاءَ عَفْوًا. Il a dit يعني subhanallah, Allah Azza wa Jalla vous a donné يعني la femme et vous allez à l'homme. Allah Azza wa Jalla vous a donné la femme. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Ceux-là aiment quoi? Aiment la saleté, aiment la souillure. Aiment la saleté. Pourquoi? Leur cœur est souillé. Leur cœur est sale, il est souillé. Maintenant, ce qui est grave maintenant, c'est que ces choses, c'est rentré dans quoi? C'est rentré dans le fun. Le fun, comment on dit le fun en français? Le fun, chez les arts, c'est un art, na'am. Maintenant, c'est un art. Il y a même des chaînes de télévision spécialement qui montrent cela. Et c'est pour ça que, j'allais dire, na'am. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants, des garçons, surtout des garçons, il y a beaucoup qu'on vole, à bas âge. Et quand ils ont 5 ans, 6 ans, on les vole. Pourquoi? Et on les vend. On les vend à des sectes. Il y a des sectes spéciales qui font ce travail. Hein? Elles achètent, ces sectes, achètent des enfants comme ça à bas âge, 4 ans, 5 ans. Et à partir de cet âge, on lui apprend ces choses. Ensuite, ces choses, ça colle, ça devient un vice. Quand il a grandi comme ça. Il ne connaît pas autre chose. La femme, ça ne lui dit rien. Et il faut que ce soit un homme. Sinon, il ne peut pas avoir son plaisir. Et celui-là, c'est très difficile de lui enlever un vice pareil. Un vice qu'il a depuis l'âge de 4 ans ou 5 ans. Il a été volé à cet âge. 4 ou 5 ans. Sauf bien sûr en islam. En islam, l'iman, mashallah, te fait oublier tous les vices. Te fait oublier la drogue, l'homosexualité. Tu peux oublier tout. Allah subhanahu wa ta'ala descend quelque chose dans ton cœur. Mais sans l'islam, c'est très difficile. Et maintenant, ce qui est grave, mal asif, c'est que dans certains pays, c'est devenu légal. C'est-à-dire, l'homme se marie avec un homme, normalement, avec des papiers à l'église, et il y a les invités qui viennent, et il y a les applaudissements, et on danse. Et ensuite, ils vont rentrer dans leur chambre pour la nuit nuptiale. Et ils vont en voyage de noces. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Regardez le monde, comment ça s'est renversé. Non. Tout ça, surtout, c'est la parabolique, c'est la parabole, comme l'appellent certains, comme j'ai entendu Abdel Malik Ramadan et Cheikh Abdel Malik, il disait beaucoup sur le mimbar quand il était à Alger. Il dit pas parabole, il dit paradiabolique. Pas parabole, paradiabolique, c'est pas parabolique. Paradiabolique, non, c'est le diable. Maintenant, c'est dans ces choses-là qu'on apprend aux gens. On leur apprend comment ils font, comment ils obéissent par Allah subhanahu wa ta'ala, comment ils s'éloignent du din, comment la femme doit s'éloigner du hijab, doit être libre, elle doit vivre son temps, elle ne doit pas être arriérée. Maintenant, elle va être arriérée avec le voile sur la tête, le visage couvert, tout ça c'est arriéré. Il faut qu'elle vive sa vie, ou l'ayyadu billah. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est pour ça que j'ai entendu Cheikh Ibn Uthaymin. Je l'ai pas entendu. J'ai lu une fois. Il avait dit dans une fatwa. Il a dit quiconque a dans sa maison le parabole. Je l'ai lu avec mes propres yeux. Il a dit cette personne, c'est haram pour elle d'entrer au paradis. Il a dit quiconque a le parabole chez lui, haram pour lui de rentrer au paradis. Ensuite, alhamdoulilah, j'ai compris qu'il voulait dire quoi. Il voulait dire s'il utilise le parabole à des fins, bien sûr, des fins pornographiques et ceci, cela. Ici, dans le parabole, il ne voit que les doros, ou là, il ne voit que les animaux, ou là, que la mer. Il voit les montagnes et les étoiles, et donc c'est pas haram. Et s'il voit des choses de pornographie, etc., celui-là, il sait fermer la porte du paradis, ou l'ayadu billah, il veut fermer la porte du paradis, ou l'ayadu billah. C'est pour ça que je donne un conseil à mes frères, à mes sœurs, à mes fils et à mes filles, qui vont grandir, qui vont se marier, qui vont avoir des enfants. Il faut beaucoup, beaucoup faire attention aux enfants quand ils sont au bas âge. Pourquoi? Parce que quand ils sont au bas âge, ils ne connaissent rien. Ce que tu lui apprends, lui, il va apprendre. Il faut ne jamais faire de sorte que l'enfant, tu lui achètes une télévision, tu la laisses dans sa chambre. Si vous avez le téléviseur, il faut qu'il soit familial, pour qu'il y ait quelqu'un toujours qui sait ce qui se passe. Ou bien l'homme ou bien la femme. Il voit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils sont en train de voir, qu'est-ce que ceci. Il ne laisse pas les choses comme ça aller. Parce que quand tu lui achètes un téléviseur dans sa chambre, tu ne sais pas ce qui se passe. Il peut voir ce qu'il veut, et toi, lui, il voit, et toi, le jour du monde dernier, c'est toi qui vas faire passer au calcul. C'est toi qui vas passer au compte. Là, je lui te dira, c'est toi le responsable. C'est toi. Il parle de l'homme, il parle de la femme. Ou le bar, le zouj et tout. Yani, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ra'iyatun fi baytiha, c'est elle qui commande dans sa maison et c'est son mari qui commande. C'est pour ça que le deuxième conseil de la télévision, deuxième conseil très important, attention mon frère et ma soeur, pour les enfants quand ils sont au bas âge, de les laisser avec yani, des gens étrangers. Naam. Certains, ils vont aller en voyage. Là, il dit, je vais laisser mon garçon, il est jeune, il a 4 ans, il a 5 ans. Ma fille, elle est jeune, elle a à peine 5 ou 6 ans, je la laisse chez mon voisin ou chez ceci. Jamais de la vie. Il faut toujours avoir les enfants avec soi. Toujours avoir les enfants avec soi. Surtout, si on les laisse chez quelqu'un, yani pour une journée ou là, on les laisse chez quelqu'un, premièrement, qui est très connu par sa piété, et il ne faut pas qu'il soit seul. Il faut qu'il soit avec sa famille. Avec sa femme et ses enfants. Je ne laisse pas mon enfant de 5 ans ou là ma fille de 5 ans à quelqu'un, même s'il est pieux et il a la barbe qui descend jusqu'à sous le nombril. Je ne lui laisse pas ma fille de 6 ans ni mon enfant de 5 ans. Pourtant, il a la barbe jusqu'au nombril. Je ne lui laisse pas. Pourquoi? Parce que vaut mieux prévenir que guérir. Vaut mieux prévenir que guérir. Donc, ça fait pas longtemps seulement, un Ahmadi, il m'a dit: mon frère a laissé deux enfants, l'un de 5 ans, un garçon de 5 ans, une fille, je crois 6 ans, si j'ai pas oublié, 6 ans, il les a laissés chez un voisin, je ne sais pas où il est parti pour une journée avec sa femme. Je ne sais pas où ils sont partis exactement. Quand ils sont revenus, ils ont trouvé des choses que je ne veux pas dire. Ils les ont laissés chez qui? Le voisin, c'est un kafir en plus de cela, un kafir même, un kafir en Europe, un kafir. Ils ont laissé parce qu'ils disent celui-là c'est un bon voisin. Ils ont laissé chez. Quand ils sont revenus, ils ont trouvé des choses très graves. Pourtant, le garçon n'avait que 5 ans et la fille n'avait que 6. Il m'a dit: maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les tuer. Pourquoi tu les tues? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils savent? Celui-là il a 5 ans, l'autre il a 6 ans, ils ne savent rien. Tu lui dis fais ceci, elle fait enlève, elle enlève, elle ne sait rien, il ne sait rien. C'est la faute. Toi, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pas eux. Tu laisses un enfant de 5 ans, une fille de 6 ans chez un kafir. Moi, chez quelqu'un qui a la barbe et qui est imam, je ne lui laisse pas ma fille de 5 ans. Un imam. Soit tu es imam, tu travailles dans les affaires religieuses, tu lis le Coran, hein, et je te laisse ma fille pour lui apprendre le Coran. D'accord. Wallah, je ne la laisse pas. Allez, pardonne-moi d'ici. Je ne lui laisse pas ma fille. Celui-là, il a laissé une fille chez un kafir. Peut-être qu'il était dans l'obligation. Peut-être, comme a dit le prophète, il a dit mu'minu. Rir, le mu'min, ça veut dire on le trompe facilement. Pourquoi? Parce qu'il croit que comme lui, il est bien, etc., tout le monde est bien. Non, c'est pas tout le monde qui est bien. Toi, tu es bien, les autres, ils sont pas bien. Il faut toujours faire attention. Et faire très attention aussi. Il reste beaucoup à dire, je dois m'arrêter ici. Si vous voulez, j'ajoute le hadith qui va venir maintenant. Et j'arrête, Inch'Allah Ta'ala. Il a dit, le hadith qui va venir, il a dit. Bon, je préfère arrêter, c'est mieux. Subhanak Allahumma bihamdik. شهادة أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Maintenant pour les questions, les frères envoient aux frères et les sœurs, moi je vais enlever à deux sœurs comme ça, parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui me demandent à chaque fois, ils me disent on voudrait participer, on voudrait participer. Je vais enlever inchallah à deux sœurs, et à chaque fois je prends comme ça deux sœurs, je leur enlève et inchallah ta'ala vous leur envoyez, et eux ils choisissent seulement les questions qui ont rapport avec le cours. Les autres questions ils les laissent de côté, et c'est pas la peine qu'elles écrivent celui qui a écrit la question. C'est-à-dire, si la personne ne veut pas son nom, elle écrit anonyme, on colle pas son nom. Sinon, on colle son nom, il n'y a pas de problème. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. حياكم الله مرة ثانية. تفضل إن شاء الله commencer إن شاء الله par les questions qui ont rapport seulement avec le cours. بارك الله فيكم. seulement avec ce que j'ai dit aujourd'hui. Et puis d'ailleurs c'est tellement vaste, les sujets étaient tellement différents qu'inch'Allah, vous avez un éventail, en ce qui concerne les sujets. Tfadl, inch'Allah, awwal su'al. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tfadl. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Un frère dit, un homme et une femme musulmans ont fait zina, et la femme est enceinte, peut-elle avorter? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallatu salam ala ashraf al-mursalin. Un frère dit, un homme et une femme musulmans ont fait zina, et la femme est enceinte, peut-elle l'avorter? ابدا ابدا ابدا نعم. Si elle avorte, elle aura fait deux grands péchés. Le premier péché c'est la zina, et le deuxième c'est d'avoir tué une vie, tué quelqu'un qui allait vivre. C'est pour ça que yani le zina est moins grave que tuer. Le zina qui est grave est moins grave comparé à tuer quelqu'un. Dans la zina, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Et dans le meurtre, tuer quelqu'un, il a dit, wa man yuqtil mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Na'am, wa a'adda lahu 'adaban 'azima. D'ailleurs, juste après le shirk et 'uquq al-walidain, c'est quoi? C'est tuer quelqu'un. Donc, elle n'a pas le droit d'avorter, sauf bien sûr, comme je viens de dire, si c'était entre le premier et le 40e jour. C'était entre le premier et entre le 40e jour. Ou peut-être entre le 40e jour et avant les 4 mois. Mais après, si Allah subhanahu wa ta'ala a insufflé de son âme, il est interdit à quiconque d'avorter ou là de faire avorter. Même le médecin qui participe, ou là les gens qui participent, le taxieur qui la prend en taxi participe, celui qui lui montre l'hôpital a participé, tous ceux-là auront participé dans le meurtre de ce bébé ou l'ayadu billah. Deuxième question, inshallah ta'ala. De toute façon, j'oublierai pas de dire que quand quelqu'un fait zina, le bébé est le bébé de la mère. Ça veut dire qu'il ne peut pas prendre le nom du père. Il prend le nom de la mère. Il prend le nom de sa mère. On dit Ibn X. On ne dit pas Ibn, yani le père. On ne dit pas Ibn le père. Et la mère, c'est son vrai fils. La mère qui l'a enfanté, c'est son vrai fils. Ça veut dire qu'il l'hérite et elle l'hérite. Tandis que son père n'est pas son père, il ne peut pas l'hériter. Et si son père se marie avec une femme, par exemple, il a une fille, celui-là, ce garçon, il doit se cacher. La fille doit se cacher devant ce garçon. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son frère. Pourquoi? Parce que j'ai dit que celui-là, ce n'est pas son père. Ensuite, autre chose qui est importante, si je ne l'oublie pas ici, c'était dans ma tête il y a une seconde. Ensuite, quand les musulmans ou des gens font la zina, s'ils veulent se marier, ils doivent d'abord faire le repentir total et ne plus se parler, etc., comme s'ils ne se sont jamais connus. Le repentir, ensuite attendre qu'elle ait les règles une fois, si elle est enceinte, attendre qu'elle accouche. Si elle n'est pas enceinte, elle a fait seulement la zina, elle attend une fois qu'elle ait les monstres une fois, ensuite elle fait la touba. Cheikh l'Islam a dit, comment on sait que vraiment ils ont fait la touba? Il a dit, il vient encore une fois lui demander la zina. Son prétendant, il vient encore une fois lui demander la zina. Si elle accepte, ça veut dire qu'elle n'a pas fait le repentir. C'est une preuve. D'ailleurs, si elle avait vraiment fait le repentir, elle lui aurait dit, taqillah, moi j'ai fait la tawbah, taqillah. Mais si elle accepte une deuxième fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'a pas fait le repentir. Et Cheikh Ibn Rasimim, n'est pas très convaincu de cet avis. Et moi, je suis de l'avis de Cheikh Ibn Rasimim. C'est pas la peine qu'on la teste. Pourquoi? Premièrement, on la teste. Elle, qui ne voulait pas faire, peut-être qu'on va la pousser, elle va faire. Elle va se dire, si je vais pas faire cela, il va pas se marier avec moi. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit aussi autre chose? Il a dit, non. Ensuite, on le pousse lui. Lui, il va la tester. Ensuite, il va s'exciter, il va aussi faire une autre fois la zina. Ils ont dit, non, le repentir, c'est entre elle et Allah. Et c'est entre lui et Allah. S'ils font le repentir, après la période d'viduité, ils peuvent, inshallah, se marier. Mais le garçon doit suivre sa mère et il ne suit pas son père. Faudra, inshallah. En train de chercher. Abdullah dit, une sœur dit, quels sont les prophètes qui ont déjà prophète alors qu'ils étaient enfants, et quels sont ceux qui ont eu la révélation à l'âge adulte? Quels sont les prophètes qui ont été déjà prophètes alors qu'ils étaient enfants, et quels sont ceux qui ont eu la révélation à l'âge adulte? Du coup, on n'est que la règle, c'est que l'Azawd ne donne la prophétie qu'après. Après les 40 ans. Tellement balara ashuddahu wastawa atina hukman wa ilma. Et ashuddahu, c'est 40 ans, comme c'est dit dans l'autre verset. Hatta ida balara ashuddahu wa balara 40 sana. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Donc il a cité 40 ans. Donc les prophètes, la plupart, là je leur donne la prophétie quand ils sont assez mûrs. Pourquoi? Parce qu'après 40 ans, on est assez mûrs. Et je sais que Isa alayhi salam l'a eu avant, et je sais que Ibrahim alayhi salam l'a eu aussi avant. D'autres, je ne sais pas. Les autres, je ne sais pas. Je connais ces deux, mais les autres, je ne les connais pas par les noms. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Prochain sou'al, inshallah, sallam. Ibrahim alayhi salam sera-t-il revêtu en premier de l'habit de la foi? Ibrahim alayhi salam sera revêtu des vrais habits, pas l'habit de la foi. L'habit de la foi, je ne comprends pas, il ne l'a pas perdu. Comment l'habit de la foi? L'habit de la foi, il est le meilleur des croyants. Le meilleur des croyants. Cheikhou al-Mouahidin. Comment il va l'habiller de la foi? Je n'ai pas compris. Il va l'habiller un vrai habit, parce que dans les tafsirs c'est écrit que on l'avait dévêtu et on l'a jeté en enfer. Allah Azza wa Jalla, comme c'est dans le hadith sahih, c'est le premier homme ou l'être humain à être vêtu le jour de la résurrection. À être vêtu, c'est-à-dire on va lui donner les vêtements, bien sûr, du paradis qu'il va mettre. C'est lui le premier à être vêtu le jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Fadlan, inshallah, prochaine question. Des fois, la question, quand elle est longue, elle passe pas. Des fois, la question, quand elle est longue, elle passe pas. Naam, l'autre, après la sœur, numéro 4. Numéro 4, pour ne pas perdre le temps. Numéro 4, inshallah ta'ala. Alaykoum salam wa rahmatoullah. Une sœur aimerait savoir si son divorce est valide ou non. Son mari a formulé l'intention de la divorcer un samedi alors qu'elle était en période de menstruation. Une semaine avant de la répudier, réellement, mais il avait renoncé 2 jours plus tard. Pas bien compris. Une sœur, aimerait savoir. Son mari a formulé l'intention de la divorcer un samedi, alors qu'elle était en pleine période de menstruation, une semaine avant de la répudier, réellement, mais il y avait renoncé 2 jours plus tard. Elle s'est purifiée et s'est menstruée le mardi de la semaine qui a suivi. Ils ont ensuite eu des rapports intimes, mais le vendredi de la même semaine, il l'a répudiée. Clairement, disons, je te divorce. J'aimerais savoir si le divorce est valide pour son époux. Son époux aurait dû attendre qu'elle ait une nouvelle émancipation puisque ce qui était son accouché à son compte. Non, le divorce est valable. Non, le mari n'a pas le droit, je dis, n'a pas le droit de divorcer une femme en menstruée. Ou bien, et aussi n'a pas le droit de divorcer une femme, même si elle s'est purifiée, n'a pas le droit de la divorcer s'il l'a touchée. S'il veut la divorcer, il faut premièrement qu'elle soit pas en menstruée, et deuxièmement, qu'il ne l'ait pas touchée pendant toute la période où elle a été pure. Si elle s'est purifiée, par exemple aujourd'hui une femme, il la touche pas, ni aujourd'hui, ni demain, il la touche pas jusqu'à ce qu'il lui dise, yani tu es divorcé. Mais s'il la divorce en plein menstrué, ou bien il la divorce après l'avoir touchée, yani fait le rapport, ça veut dire quoi? Ça veut dire le divorce est valide et il a dépêché. Voilà la différence. Le divorce est valide, c'est un divorce de bid'a, ça s'appelle talaq bid'i, divorce de bid'a, pas de sunna, et il a les péchés, lui, c'est pas elle. Il a les péchés d'avoir divorcé en plein menstrue, ou bien après l'avoir touché, après sa purification. قدر الله ما شاء فعل عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تفضل. Une sœur enceinte de 5 mois et demi est hospitalisée pour des complications dans sa grossesse. Il lui est interdit de bouger. Elle doit rester allongée. De risque que son bébé ne prend pas. Elle fait donc taïmoum. Peut-elle regrouper ses salats? Bien sûr, elle peut regrouper ses salats. Elle fait dhuhr et asr en même temps et maghrib et isha en même temps. Et elle fait quoi? Et elle fait le sobh tout seul. Mais si elle est loin, si elle est loin de sa maison, l'hôpital se trouve loin de sa maison, à peu près 40 ou 50 kilomètres, elle peut même faire ses prières raccourcies. Ça veut dire ses prières, elle est, au lieu de 4, elle fait 2. 2 dhuhr, 2 asr, 2 isha. Si elle est loin de l'hôpital, à peu près d'une quarantaine ou cinquantaine de kilomètres de sa maison. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Fadal sur la prochaine question. Comment faisait Salaf Saleh pour augmenter leur certitude? Naam. Allah Azza wa Jal nous a créé, nous a pas laissé comme ça, yani en air, erré comme ça, comme des animaux. Il nous a donné un cerveau, un cœur. Ensuite, il nous a montré, وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ وَهَدَيْنَهُ السَّبِيلِ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. Et il nous a montré les deux chemins. Et ça dit, celui-là, si tu le suis, il va te mener vers moi, vers mon paradis, vers mon ravissement de toi, vers les femmes du paradis, vers les vins du paradis, vers l'or du paradis. Et le deuxième, celui-là, l'ascension, il mène vers Jahannam, il mène vers ma colère, il mène vers... Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Yani, au lieu de suivre le vrai chemin, on va suivre l'autre. Ensuite, on se dit quoi? On se dit, Allah, on a la voie faible, on a... Quiconque suit le vrai chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa lui augmente sa foi et sa certitude jour après jour, jour après jour. Sauf tu essayes en toi-même, c'est tout. Essaye 2 ou 3 mois de, par exemple, jeûner le lundi et le jeudi, de lire à chaque fois le Coran, par exemple, de ne plus voir le haram avec tes yeux, la télévision, etc., de ne rester qu'avec les gens pieux. Essaye seulement 2 ou 3 mois, tu vas voir comment tu vas sentir ta certitude grandir et ta foi monter vers le haut. Éloigne-toi de ce chemin, reste avec les gens qui parlent dans le vide, fréquente les gens qui parlent seulement de zina, etc. ne fais pas la prière à l'heure, ne fais pas le jeûne suroratoire, ne fais pas l'aumône, et tu vas voir que jour après jour, ta foi faiblit. Jour après jour, ta foi faiblit. Pourquoi? L'Azéod, il est juste. Lui, il a dit, quiconque fait ce que j'aime, ce que je veux, ce que j'ai ordonné, celui-là, je l'aimerai. Mais elle a dit, la créature est en train de se rapprocher de moi ou vers moi avec la nafila. S'il fait la nafila, je l'aimerai. Et si Allah aime quelqu'un, il va lui donner la foi et la certitude. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide, qui nous aide à l'aimer. Parce que si on aime Allah subhanahu wa ta'ala, khlas, on a tout gagné. Mais si on ne l'aime pas, on ne fait pas ce qu'il aime lui. Pourquoi? Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne fait pas ce qu'il aime. C'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, « Ida wujibet l'mahabba imtana'at l'mukhalafa ». Regardez cette règle. C'est une règle en fin de compte. « Azima, ida wujibet l'mahabba ». D'ailleurs, je vais l'écrire en arabe, une seconde, là, je vais l'écrire. « Ida wujibet l'mahabba imtana'at l'mukhalafa ». Pour ceux qui ont l'arabe. « Ida wujibet l'mahabba ». Il a dit, si vraiment on aimait quelqu'un, on ne ferait pas les choses qu'il n'aime pas. On ne ferait pas, on ne contredit pas, on ne contrarie pas. Pourquoi? Parce qu'on l'aime. Non. Est-ce qu'une femme à qui son mari lui dit je veux pas, est-ce qu'une femme à qui son mari lui dit je ne veux pas que tu ailles chez la voisine X, et ensuite elle va chez X et elle dit j'aime mon mari, est-ce que c'est vrai? Est-ce que son mari la croit? C'est impossible. Ma femme me dit écoute, je voudrais pas que tu discutes avec cette femme. Et moi, je discute avec elle et je lui dis que j'aime ma femme. C'est pas vrai. Si je l'aimais, j'aurais pas transgressé. J'aurais fait ce qu'elle veut, elle. La même chose. Si on aimait Allah subhanahu wa ta'ala, on ferait que ce qu'il aime. Mais quand on n'aime pas beaucoup ou là, on n'aime pas du tout, on fait le contraire de ce qu'il veut et ce qu'il aime. Fadla, inshallah, prochain sourate. Concernant la sœur, peut-elle faire le taïmoum? Bien sûr qu'elle peut. Étant donné qu'elle peut pas bouger, qu'elle peut pas beaucoup bouger, elle doit faire le taïmoum, inshallah ta'ala. Naam. Si une personne a un compte dans une banque avec des intérêts, mais cette personne ne touche pas aux intérêts, elle les jette, est-ce que cette personne rentre dans l'usure le fait qu'elle est simplement un compte à intérêt? En principe, personne n'a le droit de laisser son argent dans une banque à intérêt, même s'il ne prend pas les intérêts. Pourquoi? Parce que Allah a dit dans le Coran, ne vous entraidez pas dans les péchés, dans les choses que je n'aime pas. Pourquoi? Quand tu laisses ton argent dans cette banque, même si tu ne prends pas toi les intérêts, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Quand tu poses toi ton argent, elle va travailler avec ton argent. Ton argent, elle va le prêter à d'autres. Elle va le prêter. Ton argent est un prêt pour les autres. Avec ton argent, on va bâtir des bars. On va bâtir des dancing, on va bâtir des quoi, des choses comme ça, avec ton argent que tu as laissé toi. Pourquoi? Parce que quand on pose notre argent dans une banque, elle l'utilise et elle le prête aux autres. C'est pour ça que, en principe, on doit commencer par chercher une banque de musulmans. Il y a des banques comme ça, certaines banques, c'est écrit qu'il n'y a pas, on ne donne pas d'intérêt, etc. Si on ne trouve pas, si on peut le laisser à la maison, on le laisse à la maison. Si on sait qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on ne va pas être volé, on le laisse à la maison. Maintenant, si dans les deux cas, c'est-à-dire on ne peut pas laisser à la maison la somme importante, et il n'y a aucune banque islamique, aucune, j'ai cherché partout, il n'y a aucune. Dans ce cas, l'argent des intérêts, tu dois le retirer. Tu retires l'intérêt, tu les laisses pas profiter, eux, des intérêts. C'est toi qui les fais sortir et tu les donnes à des pauvres. Et tu les donnes à des pauvres et tu n'as pas de hasanat. Parce que tu t'en... et tu n'as pas de hasanat, mais il faut les donner aux pauvres, aux gens qui sont dans la nécessité. Inch'Allah, prochain sourate. une sœur dit, en ce qui concerne le hadith sur celui qui œuvre toute sa vie dans le bien, puis avant sa mort, qu'il y a un acte des gens de l'enfer, il va en enfer. Donc, en cette façon, il n'est pas sincère dans ses actes. Naam, c'est exactement ce qu'on devait comprendre. Naam, cette personne, il y a deux réponses. Ou bien, c'est une personne qui faisait ça, mais elle n'était pas sincère, ce qu'on appelle Ria, elle n'était pas sincère, c'est une hypocrite. Ou bien, la personne était sincère. Elle faisait ça avec sincérité. Mais, à la fin, avant de faire l'action qui l'allait emmener en enfer, avant cela, elle a commencé à dévier. Parce qu'on peut être l'un des plus sincères. Et, en fréquentant les mauvais gens, etc., on commence à dévier petit à petit jusqu'à ce qu'on fasse le grand péché ou l'ayadou billah. C'est pas étonnant que quelqu'un qui a une barre, qui a un mètre, qu'un jour peut-être il va boire de l'alcool. C'est pas étonnant. Pourquoi? Parce qu'il va commencer petit à petit à fréquenter, à s'asseoir seulement, à seulement yani, sentir, ensuite à goûter, ensuite à boire, ensuite à devenir soulard. Comme ça il commence. Et il va mourir, il va aller en enfer. Alors que nous, on a vu que, mashallah, la prière, la barbe, le kamis, etc. C'est pour ça que on doit beaucoup demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider chaque jour. Chaque jour que Dieu l'azur le crée, on lui demande le hidayah. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'on dit le matin quand on se lève? Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Et qu'est-ce qu'on dit quand on sort de la maison? Qu'est-ce qu'on dit quand on sort? Il n'y a pas un shaitan qui nous attend devant la porte. Il y a un shaitan. Qu'est-ce qu'on dit? Bismillah, amantu billah, atasamtu billah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udhu bika an adil. Voilà, très important. A'udhu bika an adil. A'udhu bika, je me réfugie auprès de toi, que je m'égare. Ou udal, ou bien on m'égare. Allahumma inni a'udhu bika an adil, ou udal, ou azil, ou uzal. Et le hadith est plus long, j'ai oublié. Bismillah. من يضل أو ضل أو يضل أو ضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليا. Voilà. Quand on sort de la maison, on dit quelque chose comme ça. On a beaucoup de chance, Allah subhanahu wa ta'ala, de revenir le soir. Yani comme on est sorti le matin. Mais si on sort le matin avec une chanson en train de chanter et une cigarette dans la bouche, je ne sais pas comment qu'on va revenir le soir. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Parce que le shaitan qui était devant la porte, il nous a enlacé. Et tellement il est content, il nous enlace. Il te dit, toi, c'est toi le vrai ami. C'est toi que j'aime. La hawla wa la quwwata illa billah. Prochain soual, inshallah. Pouvez-vous donner l'ordre des sahaba préférés par le messager? Les chiites qui détestent-ils? Vous avez dit qu'Aïcha radiallahu anha n'a pas fait zina. Mais qu'en est-il des autres épouses du messager? Quel conseil que vous donnez aux sœurs et frères célestes qui se marient plusieurs fois comme les chiites temporairement? Naam. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Les gens du consensus, pour être salafi, si tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala demain, ravi de toi, tu dois dire et attester dans ton cœur que la meilleure créature au monde, après tous les prophètes, car la première créature que l'Azza wa Jalla aime, c'est le prophète. Ensuite, la deuxième créature, je parle des gens, la deuxième créature, c'est Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala, qui a la deuxième place après les prophètes. Abu Bakr. Ensuite, Omar ibn Khattab. Ensuite, Uthman ibn Affan. Ensuite, Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala. Les quatre, comme ça, par ordre. Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Les chiites qui détestent-ils? Les chiites disent tous les sahabas sont des kuffars. Les chiites disent tous les sahabas sont des kuffars, sauf 7 ou 12. Sauf Salman al-Farisi, sauf Abdullah ibn Abbas. Yani seulement 10 ou 12. Tous les autres, ce sont des kuffars. Et surtout, Abu Bakr, Omar et Uthman. Pourquoi Abu Bakr? Ils disent parce qu'il a pris la place de Ali. Normalement, quand le prophète est mort, c'est Ali qui devait être le khalifa. Donc, Abu Bakr, c'est un voleur. Il lui a volé le khalifa. Et Omar, il a volé le khalifa. Et Uthman a volé le khalifa. Ce sont les trois, ce sont des impies, des kuffars. Et moi, J'ai entendu quelqu'un dans une cassette dire, dans une cassette, j'ai entendu de mes propres oreilles dire et jurer par Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Regardez le shaitan, comment il fait. Non seulement il a dit cette chose, mais il a juré par Allah. Il a juré par Allah que quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je jure par Allah. Je jure par Allah que le jour du jugement dernier, qu'Allah subhanahu wa ta'ala commencera à châtier Abu Bakr Siddiq et Omar al-Khattab avant le shaitan. La hawla wa la quwwata illa billah. Il a juré par Allah qu'Allah ta'ala, yawm al-qiyama, il va commencer par le adab, le supplice de Abu Bakr avant qui? Avant le shaitan. Ça veut dire que le shaitan, c'est pas grave. Le plus grave, c'est Abu Bakr ou Omar. Et ils ont des du'as qu'ils disent chaque jour. Chaque jour, comme nous on dit des du'as du prophète Islam, eux ils ont des du'as de leur savant égaré. Dans certains du'as, ils disent, tu dois dire que je me désengage des deux statues de Quraysh. Sanam et Quraysh. C'est qui les deux statues? C'est Abu Bakr ou Omar. Je me désengage. Ce sont des kuffars. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez dit qu'Aïcha, radiallahu anha, qu'il dit, mais qu'en est-il des autres épouses du messager? Aucune épouse du messager n'a fait la zina. Et quiconque dit qu'une épouse du messager a fait la zina, il est devenu kafir. Naam, il est devenu kafir. Pourquoi? Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu, la takunu kalladhina adhaw Musa. فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ابن حجر العسقلاني dans Fath al-Bari a dit, quand il a expliqué ce verset, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a dit? Les juifs ont dit que Moussa alayhi salam avait une maladie spéciale, une maladie dans ses parties intimes. Ils ont dit, c'est pour ça que nous tous, quand on se lave nu, comme ça, hommes et femmes nus dans des ravins, des rivières. Et Moussa alayhi salam, le seul qui s'habillait. Ils ont dit donc il a quelque chose. Un jour, ils se sont cachés. Moussa alayhi salam a posé ses vêtements. Ils sont cachés derrière un arbre. Et le rocher où Moussa alayhi salam a posé ses vêtements. Car je disais, c'est pas qu'il se lavait avec ses vêtements. Il se lavait isolé, pas avec les gens. Mais il se lavait nu, mais isolé. Alors le rocher s'est enfui avec ses vêtements. Alors quand il a couru derrière ses vêtements, les Yahouds l'ont vu. Et alhamdoullah, c'est bien ils l'ont vu. Allah leur a montré qu'il n'avait pas ce qu'il croyait, il n'avait pas la maladie qu'il croyait, et que c'était un prophète et un vrai prophète. Ibn Hajr ici a dit, imaginez, il a dit, quand quelqu'un dit d'un nabi qu'il est seulement malade, de telle maladie, alors qu'il ne l'est pas, il est rentré dans un péché. Car Allah a dit, Ya ayyuha alladhina amanu, la takunu kalladhina adaw Musa. Ne soyez pas comme ceux qui ont fait du tort, qui ont lésé Moussa, ils l'ont lésé. Naam. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit seulement il était malade, ceci ou cela. C'est pour ça que j'ai dit une fois, beaucoup de nos soeurs et nos frères se trompent quand ils parlent de la maladie de Ayyub alayhi salam. Ils disent qu'il a eu des vers qui sortaient de sa bouche, qui sortaient de son nez, qui sortaient de ses yeux. Ça, ce n'est pas vrai. C'est pour Allah. Allah, je ne vois pas un nabi avec des vers qui sortent ses oreilles, les gens vont s'enfuir, ils vont dire celui-là il est sale, celui-là c'est quoi? Pas un nabi, moi je reste pas devant lui. Je peux pas rester devant un nabi qui plein de vers qui sortent de son nez et de sa bouche. Non, ça c'est pas vrai. Ça ce sont des choses, ça s'appelle israéliyat. Ce sont des choses que les juifs ont fait rentrer dans nos livres. Al-Muhim, c'était quoi le début du sujet? Je parlais de quoi? Naam. Alors, imaginez maintenant que quelqu'un dise qu'une épouse du prophète a fait la zina. Imagine. Tu dis seulement le prophète a telle ou telle chose qu'il n'a pas, c'est grave. Alors qu'en est-il tu dis que sa femme a fait la zina. Et c'est pour ça que quiconque dit, la hawla ou la quwwata, écoutez bien ce que je vais dire, c'est très grave. Quiconque dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que sa femme a fait la zina, par implication, ça veut dire que le prophète, ça veut dire qu'il a dit que le prophète est un khabith. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma'ab Allah, Rabbi smah li ma dit kelma. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit dans le Coran, al khabithatu lil khabithin. Les femmes de Hado, les prostituées, ça, c'est pour les hommes qui sont comme eux. Al khabithat, celle qui est khabitha, pourrie, c'est pour le pourri. La pourrie pour le pourri. Donc si la femme, tu dis que sa femme est pourrie, tu tu as dit que son époux est pourri. La hawla wa la quwwata illa billah. Tayyibatu li tayyibin. Aisha tayyiba li tayyibin li rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le Coran dit Oulaika mubarraoun mimma yaqulun. Mubarraoun, ils n'ont rien fait. Bura'a, ils n'ont jamais fait cette chose. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya Rabbi, la hawla wa la quwwata illa billah. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit dans la dernière sourate? Quel conseil pouvez-vous donner aux facilités qui se marient plusieurs fois comme les chiites temporairement? Na'am. Et les chiites, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont pas, je vous dis la vérité, ils n'ont pas de dîn. Et qu'est-ce qu'ils font aussi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils partent aux États-Unis, ils ont beaucoup d'argent. Ils partent en Suède, ils partent en Suisse. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils connaissent des femmes là-bas, des Suissesses, des Américaines, des Anglaises. Et il se marie avec elle, le mariage temporaire. Et elle ne sait pas. Elle voit quelqu'un, barbu, la prière, Khamis. Elle s'est convertie, elle dit, c'est pas l'islam. J'ai jamais entendu qu'il y avait Shia, Sunna. J'ai jamais entendu ça. Donc, le Shia pour elle, c'est l'islam. Ensuite, il se marie avec elle, 3 mois, 4 mois, 6 mois, le temps de faire ses études. Ou là, ensuite, allez, salam alaykoum. Il lui téléphone, s'il téléphone, il téléphone son pays, et j'ai divorcé. Elle va dire, c'est ça l'islam, hein? Il m'a eu, hein? Moi j'étais sincère avec lui, je croyais que kada, c'est ça l'islam. À partir de ce jour, elle va jurer que son premier ennemi c'est les musulmans. Elle va dire c'est ça l'islam. Donc tous les musulmans sont comme ça. A'oudou billah min l'islam. Regardez comment ils font à mon chéri. Ils donnent une image très très moche de l'islam. Et quiconque donne une image moche de l'islam, c'est celui qui aura le jour du monde dernier l'un des plus grands péchés du monde. Parce que comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ali, il a dit si Allah azza wa jal guide quelqu'un, une seule personne, et tu en sois la cause, c'est mieux que mimma tala'at alayhi shams, c'est mieux que hamar al-ni'am, humar al-ni'am, c'est mieux que les meilleurs yani bêtes qu'il y ait dans le monde. Autrefois il y avait le chameau rouge là. Yani, personne ne pouvait l'avoir sauf les richards. Si seulement Allah Azza wa Jal guide quelqu'un et tu en sois la cause. La même chose maintenant, si tu es la cause pour faire fuir quelqu'un de l'islam. Si tu es la cause pour faire fuir quelqu'un de l'islam, tu as fait l'un des grands péchés. Maintenant, beaucoup de frères, je crois, qu'ils font cela. Ils se disent, moi je me marie 3, 4 mois, 5 mois, après je vais voir. 2 mois, 3 mois, après je vais voir. C'est pour ça que j'ai toujours dit, faites bien attention, mes sœurs. Faites bien attention. L'islam, le mariage a dit, وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِسَاقًا غَلِيدًا. Il a dit, c'est un pacte. Un pacte غَلِيد. C'est pas quelque chose de jouer. Le mariage, c'est pas un joujou. Certains frères ou là, je ne sais pas ce qu'ils voient, je ne sais pas ce qu'ils font toute la journée, il est excité, il va se dire, je vais me marier. Je vais me marier, juste, c'est son jouissance. Ensuite, il a ce qu'il voulait, un mois, deux mois. Ah, là, c'est pas le genre que je voulais, hein. Là, j'ai plus envie de me marier. Celui-là, il faut pas se marier avec lui. Le genre, celui-là, il faut l'éviter. Pourquoi? Celui-là, il cherche pas la responsabilité du mariage. Il cherche la jouissance. C'est seulement la première semaine, ce qui n'a plus envie. Il faut chercher quelqu'un qui est mûr, vous sentez, quelqu'un qui veut la responsabilité, quelqu'un qui veut les enfants, quelqu'un qui veut que ses enfants apprennent le Coran, quelqu'un qui veut une famille, quelqu'un qui veut le paradis. Pas quelqu'un qui regarde la télévision les films osés parce qu'il va se marier à cause de sa jouissance. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Man ghashana laysa minna. Comme a dit le prophète alayhi salatu wa sallam. Man ghashana laysa minna. Quiconque nous a dupés, nous a trichés, il n'est pas de nous. Et vous avez compris que ça veut dire il n'est pas de nous. Prochain sourate, inshallah. Je voudrais savoir pour une personne qui a divorcé sa femme au tribunal, mais n'a jamais prononcé la formule de talak. Cette femme était toujours son halal. Le tribunal de musulman ou l'aide de kuffar? J'attends la réponse. Le tribunal. Tribunal musulman, le tribunal de kuffar. J'attends, inshallah ta'ala, la réponse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Position? Mais Cheikh, on ne s'entend pas, Inch'Allah. Déconnectez-vous, bidnillah. Salam alaikum. Naam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faisal. Alhamdulillah. Je vais en profiter, Inch'Allah, pour les frères et les sœurs qui prennent les questions. Mettez en priorité les questions qui ont un rapport avec le cours, Inch'Allah. Et filtrez les questions dans le sens où, si également la question n'est pas compréhensible, essayez de dire au frère de la reformuler, Inch'Allah, ou à la sœur. Barakallahu fikum, hayakum Allah, jamian. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيه صوت؟ نعم، بس problème de connexion. J'avais demandé à la ourte de me dire le mariage, pardon, le divorce a été fait dans Westmo, un tribunal musulman ou là de kuffar. نعم، le tribunal kuffar ne peut pas divorcer quelqu'un. Le tribunal kuffar de kuffar ne peut pas divorcer un musulman ni le marier. Ne peut ni le marier ni quoi ni le divorcer. Là-bas on fait seulement le papier pour prouver à la police ou là que c'est notre femme, c'est tout. Mais ça compte pas chez Allah subhanahu wa ta'ala qu'on s'est marié ou là on a divorcé. C'est pour ça que pour divorcer il faut que l'homme dise j'ai divorcé, même s'il ne va pas au tribunal. S'il dit j'ai divorcé avec ma femme, ben, je t'ai divorcé, même s'il ne va pas au tribunal, elle est divorcée. Et maintenant, si c'est le contraire, il va au tribunal, le kuffar, il ne dit pas, elle n'est pas divorcée jusqu'à ce qu'elle dise. Prochain sou'al, tfaddal. Alaykoum salam, ahmatullah. Pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet? Quand deux personnes font la zina, mais finissent par se marier avant la naissance de leur enfant. Naam. La question est terminée ou la mazal la suite? La question est terminée ou la mazal la suite? Ici mon numéro 1 si elle est terminée. Non, quand deux personnes font la zina, ils n'ont plus le droit de se marier. Ils n'ont plus le droit de se marier jusqu'à ce qu'ils fassent le repentir. Quand deux personnes ont fait la zina, ils n'ont plus le droit de se marier jusqu'à ce qu'ils font quoi? Jusqu'à ce qu'ils fassent le repentir. Maintenant, les deux personnes font la zina mais finissent par se marier. S'ils se sont mariés tout en faisant la zina sans faire le repentir, ils doivent quoi? Ils doivent s'arrêter. Ensuite, faire le repentir. Ensuite, attendre que la femme ait une fois des menstrues. Ensuite, refaire l'acte. Refaire l'acte. Reparler au wali avec les deux témoins et lui donner la dot de nouveau. Ça veut dire que je dis de l'arbre. Ils doivent le refaire. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le droit de se marier avant la Touba. Et ceux-là se sont mariés. Il faut qu'ils refassent l'acte de mariage. Il faut le refaire avec le wali et les deux témoins et la dot de nouveau. Après, je dis après le repentir. C'est-à-dire, ils se disent, on va arrêter. On va faire, Inch'Allah, le repentir et on va se remarier de nouveau. De toute façon, c'est très facile, Inch'Allah ta'ala, pour quelqu'un qui est sincère. Le repentir, c'est quelque chose dans le cœur. D'ailleurs, le fait de faire cela, ça veut dire qu'il a peur et qu'il a fait le repentir. Le fait d'arrêter et de faire un nouveau, ça veut dire que déjà il a peur et il s'est repenti. Ensuite, il attend la période de viduité, une seule, pas trois. Une seule fois les menstrues et elle termine une fois les menstrues. Elle se lave et il fait l'acte de nouveau, Inch'Allah ta'ala. Prochain, Inch'Allah, tfaddal. Celui qui prête de l'argent à quelqu'un, cette année, par exemple, 100 euros. Dans 3 ans, ces 100 euros n'auront plus la même valeur. Le coût de l'argent, etc. Comment on fait? Lui qui prête de l'argent à quelqu'un cette année, par exemple 100 euros. Et dans 3 ans, ces 100 euros n'auront plus la même valeur du coût de l'argent. Comment on fait? Naam. Je ne sais pas exactement comment on fait. Naam, je sais que par exemple, celui qui a prêté à quelqu'un, par exemple, là, il a prêté 100, je parle en argent algérien, 100 dinars. Il les a prêtés en 1962, et maintenant il va lui rendre 100 dinars. 100 dinars en 1962, ça achetait par exemple une voiture ou une maison. Maintenant 100 dinars, il va acheter 1 kilo de pommes de terre et 1 kilo de carottes. Alors, celui-là, c'est sûrement, c'est pas comme ça qu'ils vont faire. D'après ce que j'ai lu ou j'ai entendu, comment qu'ils disent? Ils disent, j'ai prêté 100 euros il y a 3 ans. 100 euros il y a 3 ans, qu'est-ce qu'elle a acheté? Elle a acheté par exemple, je ne sais pas, disons un PC. Un PC. Ils vont dire, viens, on va voir maintenant combien coûte le PC. Il coûte tant. Alors tu me donnes tant. J'ai cru entendre ou lire une chose pareille. Parce que c'est impossible qu'on donne à quelqu'un une somme maintenant et on va la lui donner dans 50 ans alors qu'elle a tout changé. Mais pour être plus sûr, je préfère répondre à cette réponse la prochaine fois. Inch'Allah ta'ala, je me renseignerai pour être plus sûr, Inch'Allah ta'ala. Hein, pour être plus sûr, vous laissez la réponse à la fois prochaine. Pour que je sois sûr de ce que j'ai dit maintenant, car je l'ai lu ou entendu. Ça donne sur la prochaine question. Un frère dit, doit-on se prosterner sous l'autre sur sept membres du corps et parmi eux le front et le nez? Alors je me demande quel est le jugement sur le fait de faire le soujoud avec une chéchia ou un turban qui descend sur le front et qui est donc entre le front et le sol quand on prie. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Cette tête, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est au milieu. Naam. Peut-être c'est celui qui a posé la question, hein. C'est sa tête, hein, il est étonné. Al-Mouhim. Naam. Je sais, tu l'as pas fait exprès. Naam. Je disais que quand quelqu'un fait le soujoud, il doit le faire sur le front et en même temps sur le nez. Car beaucoup de gens touchent la terre avec le front et ne touchent pas avec le nez. Je les ai vus de mes pauvres yeux. Et pourquoi? Il fait pencher sa tête, il l'a fait pencher vers le bas de façon à ce qu'il lève son nez. Il lève son nez et son nez ne touche pas la terre, le sol. Quand on fait le soujoud, on doit faire bien attention à ce que notre nez touche et notre front touche. Maintenant, s'il y a quelque chose qui est entre notre front et entre le sol, c'est makruh, ce n'est pas haram. Comme ça, on dit, si ce n'est pas tous les ulama, les grands ulama, comme Cheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, ils disent que, en principe, on doit toucher avec le front et que on a le droit de toucher avec autre chose que quand on est dans la baroura. Car les sahaba radiallahu ta'ala anhum, quand ils faisaient trop chaud, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient, le temps du soujoud, ils mettaient quelque chose devant les mains. Tellement, yani, c'est brûlant qu'ils ne pouvaient même pas mettre les mains. Alors ils tiraient par exemple le vêtement, parce que, de façon à ce que les mains soient dans le vêtement par exemple. Et ils font le soujoud sur ce vêtement. Ils faisaient un soujoud sur un vêtement ou sur un mouchoir ou là. Et le prophète Hassan n'a pas dit c'est interdit. Mais le ulama a dit, pensez le besoin. Ça veut dire, quand ce n'est pas le besoin, je lève un peu la chéchia pour faire le soujoud sur le front et non pas sur le turban ou là sur la chose qui est dans la tête. Allah subhanahu wa ta'ala. Autre soual, inshallah ta'ala. Naam, je viens de dire que ce n'est pas haram, c'est seulement makruh. Naam, je dis que ce n'est pas haram, c'est seulement makruh. C'est pour ça que vous remarquez que quand on fait le soujoud, on le fait des fois avec, la femme le fait avec des gants des fois, quand il y a des hommes. Nous on les fait avec des chaussettes, on n'enlève pas des chaussettes. Vous avez remarqué cela. Bien sûr, du moment, je regarde les films où l'on montre des femmes dévêtues et même voire nues. Je lui dis que c'est haram, mais il me dit qu'il regarde ces films juste pour connaître l'histoire du film, ça ne lui fait rien. Pouvez-vous parler, car il vous écoute. Naam. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Vous voulez que je lui parle en arabe ou là en français? Vous voulez que je lui parle en arabe ou là en français? Est-ce qu'il comprend mieux l'arabe ou là? Vous m'écrivez d'abord AR ou bien FR avant que je ne réponde, Inch'Allah. J'attends. français. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Allah Azza wa Jal, qui nous a donné le corps, hada, le corps n'est pas notre corps. C'est le corps, Allah Azza wa Jal l'a créé, nous a laissé en dépôt chez nous. C'est pour ça que le jour du jugement dernier, il va demander à nos cœurs, à nos mains, à nos pieds, etc., de parler. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Il a dit dans un autre verset, ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. Le jour du jugement dernier, nos yeux vont parler, notre chair, la peau, elle va parler, nos cœurs vont parler, vont dire on a fait ceci, on a fait cela. Allah Azza wa Jal, quand il nous a donné ce corps avec tout ce qu'il comprend comme dépôt, il nous a dit vous ne devez l'utiliser que dans les choses que j'aime. Notre main, ce n'est pas notre main, elle est faite seulement pour qu'on mange, pour qu'on prenne le Coran, et non pas pour qu'on prenne avec elle la bière, avec la main, ni pour la mettre dans les endroits où Allah n'aime pas. La même chose pour tout le corps. Les yeux, c'est la même chose. C'est pour ça que Allah Ta'ala a dit dans le Coran قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Dis aux croyants de rabattre les yeux, c'est-à-dire ne pas voir le haram. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ. Et qu'ils qu'ils ne fassent pas de haram avec leur sexe, etc. Pourquoi? Parce que l'œil, c'est le chemin, c'est lui qui va. Et quand on regarde, qu'on va être poussé à penser, même si on ne fait pas, on va penser à autre chose. Celui qui dit moi je regarde mais ça ne me dit rien, on lui dit mais tu ne peux pas regarder parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit il ne faut pas regarder. Car si ce que tu disais, nous inshallah on te croit, on croit qu'inshallah tu ne ressens rien dans ton cœur, mashallah tu as iman ou la sincérité ou la mashallah rabbi subhanahu wa ta'ala yzidlak. Mais si on te le permettait à toi, les autres aussi vont dire moi aussi je ressens rien, donc laissez-moi voir. Ensuite il va venir quelqu'un, il va dire moi j'ai mieux que cela, moi je peux prendre la bière et je me saoule pas, laissez-moi prendre la bière. Ah, moi je peux prendre 5-6 bières sans me saouler. Allah Azza wa Jal a dit interdit de se saouler, laissez-moi boire 5 ou 6, Inch'Allah je ne vais pas me saouler, je me connais très bien. Donc celui-là aussi on va le laisser faire. Pourquoi? Parce que il ne va pas se saouler. Celui-là, il va dire laissez-moi seulement embrasser une femme, je me connais très bien, je ne vais pas faire la zina, seulement j'embrasse, ça c'est pas grave. Allah, je me connais très bien, je ne vais pas aller loin. Il va dire laissez-moi, je me connais très bien. On va lui dire tout ça c'est haram. Pourquoi? Allah Azza wa Jal a dit cette chose est haram, nous on ne la fait pas par adoration, parce que pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce que pour qu'il ne soit pas courroucé contre nous. Il a dit ne faites pas cette chose, ne regardez pas en cette chose. On ne regarde pas, on dit sami'na wa ata'na. On dit à Allah, c'est toi qui as créé, c'est toi qui commandes. C'est pour ça qu'il a dit dans le Coran, ala lahu al-khalq wal-amr. Il a la création, et il a l'ordre. Il t'a créé, il te donne des ordres. Il t'a dit, les yeux que je t'ai donnés, j'aime pas que tu vois avec le haram. Ne viens pas me dire, moi je ne sens pas, ou ça me dit rien, ou j'ai de l'iman, ou j'ai. Il t'a dit, je veux que les yeux que je t'ai donnés, tu les utilises pas. Comme je te dis, je dis à mon fils, je veux la voiture, celle-là, je veux que tu la touches pas. C'est pas la peine de la prendre et de me dire, je suis seulement allé au jardin, là je suis allé à l'université. Je t'ai dit de ne pas toucher la voiture, tu la laisses pas. Tu la laisses devant la porte, si vraiment je suis ton père, et c'est vraiment quand tu m'obéis. Si vraiment tu m'obéis, tu touches pas la voiture. La même chose. Si tu obéis à Allah, il t'a dit, ne regarde pas le haram. Même si ça ne se dit rien, ne le regarde pas. Tu dis, sami'na wa ata'na. Ya Allah, toi tu donnes l'ordre et moi j'obéis. Voilà comment dit le musulman, inshallah ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Prochain sou'al, inshallah. Est-ce que c'est possible durant le mariage? On va arrêter dans 10 minutes, inshallah. On a dépassé le mariage. Dans 10 minutes, inshallah, il sera ici minuit 30. Est-ce que c'est possible durant le mariage de mettre du henna pour l'homme et la femme? Avant le rapport charnel, les deux rak'at se font à voix haute ou à voix basse. Les yeux sont-ils autorisés lors de la cérémonie de mariage? Peut-on lever les mains lors... Allah al-Azim, 4 ou 5 questions là, on a la foi. 4 ou 5 questions. Comment ça doit se passer? Yanni, comment ça se passe en fait? Non. On commence par le henna. Le henné, le henna, c'est, ça rentre dans la zina de la femme. La femme, doit mettre, mais elle doit, astaghfirullah. Si elle veut, elle met le henna. Elle met dans ses mains, elle met, je ne sais pas où elle veut, pour paraître belle devant ses amis et devant son mari. C'est comme, yani, c'est quelque chose qui rentre dans sa zina et dans sa parure. Dans sa parure. Donc si elle veut le mettre, elle peut mettre la henna, c'est pas interdit. Pour l'homme, c'est interdit. Pour l'homme, c'est interdit à un homme de mettre la henna. Surtout le jour du mariage, c'est encore plus grave. Il va rentrer dans les bid'as. Il va rentrer dans le bid'as. Car le mariage, c'est une adoration. Pourquoi rentrer dans les bid'as? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un qui a mis la henna, il l'a fait sortir de la maison. Ou bien il l'a fait sortir de la ville. Il a dit, celui-là, il ne reste pas avec nous. C'est un mukhannath. Mukhannath, ça veut dire qu'il prend l'habitude des femmes. Donc la henna, l'homme ne doit pas la mettre. Sauf, on dit les ulama, sauf s'il est malade, par exemple, il a des comment ça s'appelle, il a dans les pieds, les orteils, il a ses doigts les orteils sont en train de le piquer, il doit mettre de la henna là-bas, entre les orteils, ça calme. Ils ont dit, s'il a des champignons, par exemple, et c'est que la henna peut faire quelque chose, il peut. Donc la henna, le aîné, l'homme ne l'utilise qu'à des fins de médicaments et jamais pour la parure, pour être beau là. C'est pour ça que mal asaf, il y a beaucoup dans nos mariages, les hommes mettent la henna, bien sûr, parce qu'ils ne savent pas. Allah subhanahu wa ta'ala an yaghfira lana jami'an. Avant le rapprochement, les deux rak'at comme tu veux, les deux rak'at comme on veut les mettre, on veut les prier à voix haute, on veut le prier à voix basse. On est libre, comme on veut. Et peut-être à voix basse, c'est mieux. Pas à voix haute. Peut-être qu'on risque de se tromper, de dire n'importe quoi. Parce que quand on fait ces deux rak'at, c'est un peu difficile pour quelqu'un qui n'a pas connu les femmes, etc. Il est en train de... Il est troublé. Il peut dire n'importe quoi. Il vaut mieux qu'il lise à voix basse. Wallahu subhanahu wa ta'ala, a'lam. D'ailleurs, il y a même des femmes qui, quand elles font les deux rak'at, tellement yani, elle est distraite, elle oublie même le khémar. Elle fait la prière comme ça avec ses cheveux yani, sont visibles. Pourquoi? Parce qu'elle est dans un état yani, un peu difficile, elle a peur, etc. Les youyous sont-ils autorisés lors de la cérémonie de mariage? J'ai lu certains ulamas qui ont dit si c'est seulement entre les femmes, de façon à ce que les hommes n'entendent pas, c'est permis. Et j'ai lu d'autres, comme Cheikh Fawzan et les autres Hafidhamullah, qui ont dit que ce n'est pas permis. Même je crois Cheikh Al-Albani, qui ont dit que ce n'est pas de nos habitudes. Ils ont dit ça, ce sont des cris bizarres qui ne sont pas les habitudes des musulmans. Et d'autres ont dit si c'est seulement entre les femmes, yani, entre les femmes, de façon à ce qu'on ne puisse pas les entendre. Mais en principe, quand une femme fait les youyou, on l'entend à 1,5 km, ça c'est connu. 1 km, 2 km on va l'entendre, ça c'est connu. Hein. Donc, yani, elle essaie d'éviter, sauf si elle ne fait pas yani, à voix haute. Allah subhanahu wa ta'ala adam. Peut-on lever les mains lors des doigts durant la fatiha? Peut-on lever les doigts durant la fatiha? Je ne sais pas comment, de quelle fatiha il parle. S'il parle de la fatiha, c'est-à-dire le mariage, dans le mariage, il n'y a pas la fatiha, on ne dit pas. Dans le mariage, quand on fait un acte de mariage, on ne lit pas le fatiha. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rahman Rahim, ça ne se lit pas. Alhamdulillah, ça se lit pour faire la prière. Tu dis Allahu Akbar, A'udhu Billahi Min Shaitan, Rajim Min Hamzi, Wa Nafsi, Bismillah Rahman Rahim. Ou bien tu dis Allahu Akbar, tu fais le dua, par exemple, l'istiftah, Allahu Akbar Kabira, Alhamdulillah Kathira, Subhanallah Bukratin Wasila, A'udhu Billahi Min Shaitan Rajim, Min Hamzi, Wa Nafsi, Bismillah Rahman Rahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pourquoi? Parce que je vais faire la prière. Mais on ne dit pas Alhamdulillah Rabbil Alamin quand on fait un mariage. On fait seulement Khutbat al-Haja, Inna Alhamdulillah, Nahmaduhu wa Nastaghfiruhu. Vous connaissez, ensuite on demande à l'homme tuteur, on lui dit voilà, celui-là, ou bien c'est lui qui parle, il dit je voudrais épouser ta fille devant les témoins qui entendent, et il cite le prénom de la fille. Si le tuteur a beaucoup de filles, il doit citer la fille. Je voudrais te demander la main de ta fille X, Aïcha, bien Fatiha, bien, il doit citer, sauf s'il n'a qu'une seule fille. sauf s'il n'a qu'une seule fille, lui dit tu me donnes ta fille. Pourquoi il doit citer? Parce qu'il y a des témoins. Que font les témoins? Les témoins sont venus témoigner que X s'est marié avec Aïcha et non pas avec Farida et non Fatiha. Il s'est marié avec Aïcha. Demain, s'il y a quelque chose, on m'a dit témoigne. Tu étais témoin. Il s'est marié avec qui? Je dis, oh là, je sais pas. Avec l'une de ses filles. Ça se fait pas. Il faut citer le prénom de la fille. Ou bien, comme a dit Cheikh Ibn Othaymin, ou bien il faut qu'elle soit présente. Ils disent, je veux que tu me donnes cette fille qui est là, qu'il montre du doigt. C'est une bida, na'am, lire la fatiha, c'est une bida. Ou bien il la montre des doigts. Ou bien, troisième cas, il la cite avec, il la décrit avec une description que les autres filles n'ont pas. Par exemple, quelqu'un qui a trois filles, les deux filles sont, ne vont pas à la faculté, il a une fille qui va à la faculté. Il dit, je voudrais te demander ta fille qui va à la faculté, car c'est la seule qui va à la faculté. Il faudrait qu'il la décrive avec quelque chose que n'ont pas les autres sœurs. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, mais lire la fatiha, c'est une bida. Quand il dit, alhamdoulilah, rabbil alamin, c'est une bida. Fadla, inshallah. Prochain sou'al. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikoum pour ce rappel que vous avez donné. Vous n'avez pas de fait. On ne laisse pas nos enfants même journée à un homme. Qu'en est-il si c'est une femme? Qu'en est-il si c'est une femme? Non. En principe, on laisse nos enfants chez quelqu'un, chez une famille. Chez une famille. Maintenant, si on ne trouve pas, on est dans le besoin, au moins, on laisse chez quelqu'un qui est pieux. On laisse chez quelqu'un qui est pieux. On laisse une fille chez une femme et un enfant chez un homme. Yani, s'ils sont pieux, on cherche du moins yani, des gens qui sont pieux. Pourquoi? J'ai dit parce que on vit des moments très difficiles et il faut les enfants aussi très jeunes, il faut leur apprendre que yani, qu'ils prennent, yani, qu'ils fassent attention chez les gens, etc. Ce sont des choses qu'on apprend à des enfants même qui sont, quand ils sont jeunes. C'est pas en détail. Et en grosso modo, on leur apprend qu'ils doivent ne jamais enlever leurs pantalons devant un étranger. On leur apprend des choses comme ça pour que, yani, toujours ils fassent attention. Une fois, je me souviens, quelqu'un qui a voulu m'honorer, miskin, qui a voulu m'honorer tellement il était content de moi quand il m'a invité une fois. Il a laissé ses deux petites filles dormir dans la même chambre où je dormais. Petite fille, peut-être elle avait 8 ans, 6 ans. Pourquoi? Tellement il m'aimait le Akhada, et j'étais bien sûr invité chez lui dans un pays comme ça, Gorba. Alors il les a laissé, les deux filles, elles ont dormi dans la même chambre où j'étais. Elles jouaient devant moi, elles faisaient des cabrioles, montaient sur mon dos. Et bref, le matin, j'ai dit au R, j'ai dit, Allah, je te remercie beaucoup pour yani, ce que tu penses de moi. Et Jazakallah khair, mais je voudrais te faire seulement une petite remarque. C'est parce que je t'aime moi aussi que je te fais une remarque. Chose, ce que tu as fait hier, ne le refais jamais avec quelqu'un, même si c'est un imam et si sa barbe touche le sol. Ne refais jamais ce que tu as fait hier. Bon, moi, alhamdoulilah, j'ai rien fait. Alhamdoulilah, tu me connais bien, mais il faut pas être, yani, avoir le cœur, yani, grand à ce point jusqu'à ce qu'on ne fasse pas attention à une chose pareille. Tu laisses deux filles à 6 ans et 8 ans dormir avec un homme. Ça, il faut jamais le refaire. Pourquoi? Parce que, yani, sans que tu le veuilles, ça peut arriver à des choses, yani, à l'horreur. Là, il a reconnu, il m'a dit, Jazakallahu khair, na'am, wallah, barakallahu fik pour, yani, ce que tu as pensé de moi. Mais c'est une faute, yani, assez grave. Il faut jamais laisser une fille ou là dormir avec un étranger, ou là son cousin, ou là. Le prophète n'a-t-il pas dit, sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 10 ans, séparés entre eux, à l'âge de 10 ans, soit tu sépares entre le fils, le garçon et sa sœur. Ils ne dorment pas ensemble. Si on a deux chambres, les garçons dans une chambre et les filles dans une chambre. On ne les laisse pas dans la même chambre. Parce que ils font des choses sans le vouloir. Et sans le vouloir, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se découvrent. Ils essayent entre eux. Ils se font des choses, ils essayent. Ils ne savent pas ce que c'est. Ce n'est pas la sensation. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, Hadi, le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, autrefois, il y a 2500 ans. Qu'en est-il maintenant quand on voit tout à la télévision et que certains enfants voient des choses pareilles à la télévision? On trouve maintenant des enfants de 6, 7, 8 ans qui connaissent ces choses. Qu'on est plus grave, qu'on est des choses que des gens âgés ne connaissent pas. qu'on ait des choses d'horreur ou d'ayyadu billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala ni yahfadana wa yahfada abna'ana, c'est un dépôt, nos enfants sont un dépôt entre nos mains. Comment qu'on va les mouler, ils seront. Comment qu'on va les mouler, ils seront. C'est comme disait, toujours ma femme me disait cela, elle me disait, ma mère, moi, je parle de ma femme, elle disait, ma mère, moi, très jeune, elle est très jeune, elle commençait à nous apprendre la responsabilité. Très jeune. Quand on apprend à quelqu'un très jeune, comment qu'il se comporte, et à faire attention, etc., il devient mûr, très jeune. Très jeune, il devient mûr. C'est pas on le laisse comme ça, il est erré. On ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas où il sort, on ne sait pas ce qu'il a fait, ensuite il a son pantalon, je ne sais pas, plein de sang, je ne sais pas, plein de quoi, on s'en fout, on dit laisse-le, il dort en train de jouer. Ça, c'est très grave. Dernière question, Inch'Allah, tu sens la dernière question, Inch'Allah. C'est que si on l'a laissé, Inch'Allah, chez une femme, c'est moins grave, Inch'Allah, que de laisser une fille chez un homme. Salam alaikum, Cheikh, que penseriez-vous de faire avec nous le livre Invitation au bon comportement de Cheikh Abdel Malik, qui est un mec qui n'est pas doué essentiellement. Ce livre, quand j'ai rencontré l'été passé, quand j'ai été chez Cheikh Abdel Malik, il m'a donné ce livre. Je sais qu'il est petit, il n'a seulement quelques pages, mais j'ai pas compris ce que ça veut dire le faire avec vous. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire faire avec nous le livre? Yani on le traduit ou là qu'est-ce qu'on fait? Étudier. Naam. Inch'Allah ta'ala, l'étudier, mais il faut seulement attendre un peu. Je suis très pris, pour dire la vérité, je suis très pris. Il y a même quelqu'un cette semaine qui m'a dit, une chose, yani il a voulu m'ébranler sans le vouloir, il me veut du bien. Mais j'ai pensé un peu, ensuite j'ai dit, il n'y a pas comme istikhara. Il m'a dit, je te donne un conseil, il vaut mieux arrêter les doros. Il m'a dit, je te donne un conseil, il vaut mieux arrêter les doros de l'internet, parce que ça ne donne rien. Il m'a dit, ça n'a aucun effet. Il m'a dit, tu perds ton temps. C'est un effet. Et moi je me suis dit, bon, celui-là, pourquoi il m'a dit cela? Ensuite, si je dois arrêter, Allah Moustan, ça, si je dois arrêter, je dois faire d'abord l'istikhara. Si je dois arrêter des doros, je dois faire d'abord l'istikhara. Mais pour vous dire dès maintenant que je vais ajouter un livre, c'est pas le moment. Maintenant, si je vais rétrécir, je vais enlever des livres, ne faire qu'une fois ou deux fois, ou bien s'arrêter complètement, peut-être. Mais je vais ajouter un livre maintenant de Abdel Malik Oullah. Franchement, je n'ai pas le sens, je suis beaucoup pris. On va se rencontrer inchallah yom al-arbi'a dans le dors du fiqh, et il y aura un conseil inchallah ta'ala. Non frère, inchallah, bien sûr, ne le lâchez pas, ne le lâchez pas, inchallah, la hawla wa la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. Non, des fois quand j'écoute quelqu'un qui me dit comme ça que tu perds ton temps, etc., je me dis la hawla wa la quwwata illa billah, c'est tout. Je me dis la hawla wa la quwwata illa billah. Ibrahim, tafaddal. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'est-ce que je voulais dire, yani pour les questions qui n'ont pas été posées, inshallah, qui n'ont pas pu être posées, moi je vais les garder, bismillah, je vais les garder, je vais les mettre sur Word, et inshallah au prochain dars, yani je vais les poser, inshallah, comme ça votre question elle est gardée. Au prochain cours, inshallah, je vais les poser, inshallah. Barakallahu fik ya cheikh. Et ya cheikh, ces personnes là qui ont parlé comme ça, ils sont jaloux ya cheikh. Ils veulent faire que la fitna, et ça c'est bien connu, ça des frères de France. Wallah musta'an. Assalamu alaykoum. La Boucheima, tfadval, je sais pas. Oh, vous levez les mains, j'ai pas compris. Tfadval, la Boucheima. Ça rentre, tfadval. On termine avec toi, Inch'Allah. Il a salafi. Afwan, mes chers, m'a demandé de lui rappeler une chose si je la pouvais. Je ne sais pas. Naam, jazakallahu khair, Bilal. Tu m'as rappelé, ça. Je parle de certains. Est-ce qu'un frère, c'est deux sœurs qui dorment ensemble dans la même chambre? C'est à moi. Naam. Sauf, pour la première question. en ce qui concerne la polygamie. Ça, je donne un conseil à mes frères. Non. La polygamie, yani, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, c'est pas yani, quelque chose d'obligatoire, ni encore, c'est même pas yani, moustahab. C'est quelqu'un pour qui a les moyens, il se marie, comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymin. Même Cheikh Ibn Al-Bani a dit, en ce moment, yani, je ne conseille pas. Il a dit, c'est pas yani, facile la polygamie, je la conseille pas en ce moment, comme c'est dans une cassette. El Mohim. La polygamie, se marier avec une deuxième épouse ou là une troisième main, c'est permis, c'est pas haram. Alhamdoulilah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné cette chose. Mais la polygamie, ce n'est pas question de tentation, comme je disais tout à l'heure. C'est pas je me marie pour la première semaine, la première belle semaine, ou là la première nuit, ou là Shahr al-Asl là-bas. C'est pas pour cela qu'on se marie. Pour se marier, il faut d'abord sûr qu'on travaille la nuit de noces. Ça, il faut qu'on soit sûr à l'une de miel. Il faut qu'on soit sûr qu'on travaille et que notre paye suffit. Il faut que la paye suffise. Il y a des gens qui ne travaillent pas, on va dire je vais faire la polygamie. Ils ne travaillent même pas. Ou là, il a je ne sais pas combien d'euros par mois, il va dire je vais faire la polygamie. Comment tu vas faire pour l'appartement de la deuxième? Comment tu vas faire pour ses habits, comment tu vas faire pour l'école demain pour les enfants, comment tu vas faire pour... C'est très très difficile, ce n'est pas facile. C'est pour ça que la polygamie a dit, c'est donné pour quelqu'un que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le risque, lui a donné des biens. Celui-là, il veut se marier, il se marie. Mais c'est pas quelqu'un, comme je venais de dire, qui n'a... Lui-même, il a faim. Il n'a même pas de quoi manger, de quoi acheter un sandwich. Il va dire, je cherche la deuxième, je cherche la troisième. Il croit que Mahsouf, c'est une sunna. Yani, plus on se marie, plus Allah subhanahu wa ta'ala aime. Yani, c'est une adoration. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je vais faire le hajj. Moi, je vais faire siyam. Moi, je vais donner l'aumône. Et moi, je vais faire la polygamie. C'est une adoration. C'est pas une adoration. Polygamie, tu l'as fait pour, ou bien tu, la première ne suffit pas. Ou bien tu veux, il y a des sœurs qui ne sont pas mariées, tu veux les aider, ça. Mais il faut que toi-même, tu remplisses tes conditions. C'est pas n'importe qui va faire la polygamie. Est-ce qu'un frère et ses deux sœurs puissent dormir ensemble dans la même chambre? Salam alaikum. Un frère et deux sœurs. En principe, Akhi Karim, en principe, en général, les hommes dorment dans une chambre et les femmes dorment dans une chambre. C'est ça la règle générale. Les hommes dorment dans une chambre et les femmes dorment dans une chambre. Est-ce qu'un frère et ses soeurs qui vont ensemble dans la chambre, c'est un moment? Tout ça, sachant que la grande sera 15 ans, ou ça, 10 ans, la petite a 4 ans. Naam, en principe, les garçons dans une chambre et les filles dans une chambre. Quand on peut pas, on essaye de, même des fois, quand on a peur des machakines, on fait dormir, par exemple, la fille avec nous dans la chambre. La fille avec nous, par exemple, le père et la mère, et ils mettent la fille avec eux en bas, ou la, avec eux, je ne sais pas où, Mohim, dans la chambre, pour qu'elle ne reste pas en mixité. Mais quand elles sont assez jeunes, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, ça va. À partir de 10 ans, il faut séparer pour ceux qui ont les chambres. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith sahih, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, trois choses font le bonheur yani, du musulman. Il a cité trois ou quatre choses. Parmi les trois ou quatre choses, qu'est-ce qu'il a cité? Il a dit, trois choses et quatre choses font le bonheur du musulman. L'une des trois choses ou des quatre, c'est quoi? Il a dit, le grand appartement. La grande maison. Al-kathir al-marafiq, qui est plein de choses dont on a besoin. Le frigo, le quand il fait froid, on a avec le chauffage, on a là. Voilà quelque chose qui fait le bonheur du musulman. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Al-wasa'. Al-wasa', ça veut dire on a des chambres. On a pour les garçons une chambre, pour les filles une chambre, pour le couple une chambre, pour les invités une chambre. C'est pour ça que, inch'Allah ta'ala, travailler pour avoir un peu d'argent, pour acheter inshallah un appartement assez grand inshallah ta'ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. je dois arrêter inchallah ici. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Cheikh, un frère nous a dit je vous aime. Dis à ce frère que ahabbahu alladhi ahabba ahabbahu alladhi ahabbani fih. Ahabbahu alladhi ahabbani fih. Comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui disait nous aimons Allah, il disait dites à celui qui vous dit je vous aime en Allah, dites-lui que vous aussi vous l'aimez en Allah. On s'en fout, Inch'Allah. Bon, Benzigen, tu lèves ta main, je ne peux pas te laisser ta main comme ça lever. Tfadlal, baisse ta main, parle Inch'Allah, tfadlal. Dis ce que tu as à dire. Maintenant, ce n'est plus Benzigen, c'est qui? Benzigen, pourquoi tu es descendu en bas? Mon vélo. Maintenant, mon vélo. Mon vélo, tfadal. Tu lèves la main, tu la descends. Benzigen, tfadal. Benzigen, tfadal. Allez, les frères, abusez pas, barakallahu fikum, subhanallah. Laissez vraiment, barakallahu fikum. C'est pas que Cheikh Yani, inshallah, il a demandé, n'abusez pas pour en profiter, jazakumullahu khairan. Subhanallah, salam alaikum. Benzigen a dit, alaikum salam, si on. Déjà, après cela, il y a des gens qui m'attendent. Comme si on peut passer les trois jours à Minen car malade, que peut-il faire? Comme on dit qu'il renverra les personnes à l'hôtel pour le Hajj, puis que son intention est ferme et définitive de divorcer et respecter le temps. Un hadith dit le mari est l'enfer, et le mari est l'enfer ou le paradis de sa femme. Si un mari est moins pieux que sa femme, ou si on se lève pour le Hajj alors que le Sobh est passé, comment doit-on faire? Bon, Inch'Allah Ta'ala, je répondrai la fois prochaine, mais ce qui est très. Ici, ce qui est très urgent, il a dit quand on se réveille pour le Fajr, après le Sobh, comment doit-on faire? Quand on se réveille le matin, on boit. Quand on se lève le matin, on boit. Si le soleil ne s'est pas encore levé, il fait nuit, on commence par le Fajr. Mais si le soleil va se lever, on commence par le Sobh. Et quand on termine le Sobh, on attend que le soleil se lève, et on fait le Fajr. On attend que le soleil se lève et on fait le Fajr. Mais si maintenant on a fait le Sobh, assez tôt, il fait toujours nuit. On a fait le Sobh, on n'a pas fait le Fajr, on a commencé par le Sobh. Mais il fait toujours nuit, on peut faire le Fajr immédiatement après le Sobh. Pourquoi? Parce que le soleil ne s'est pas encore levé, il n'est pas en train de se lever. Sinon, on doit laisser jusqu'à ce que le soleil se lève, Inch'Allah Ta'ala. Inch'Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit ici? Car le Moukouf nous dit qu'il enverra les personnes autour pour le Hajj. Ça, j'ai pas compris la question. Si on ne peut pas passer les trois jours à Minan, faire maladie, que faut-il faire? Car le Moukouf nous dit qu'il enverra les personnes à l'hôtel. J'ai pas compris ce que ça veut dire. Il enverra les. Explique-moi bien, écris-moi Gmail. Écris-moi Gmail, je te répondrai Inch'Allah demain. Demain, Inch'Allah Ta'ala, je te répondrai. Écris-moi apprendre l'islam. Apprendre l'islam avec des détails, j'ai pas bien compris. Apprendre l'islam, Gmail. Hada, Inch'Allah Ta'ala, demain je te répondrai. Bi'idnillah Azza wa Jal. Apprendre l'islam, Gmail. Et demain, Inch'Allah, Bi'idnillah Azza wa Jal, je te répondrai, mais explique-moi bien, je n'ai pas bien compris cette chose. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum, subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.